You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bonsoir et bienvenue au JF et Vicky Show, votre show bimensuel de films plus ou moins d'horreur. Non, mais c'est... Ouais, c'est ça. Mais bienvenue à Horror Gamer, l'épisode 107. C'est JF et Vicky encore ce soir. Désolé, le reste de l'équipe n'est pas disponible encore une fois pour différentes raisons. C'est ça, fait que pour ceux qui pensent qu'on a comme enregistré 2-3 épisodes un à la suite de l'autre, puis qu'on... Non, c'est vraiment... On est correct dans le temps, mais juste les autres membres sont très occupés présentement. Ça arrive. Ou soit ça, soit qu'on sent mauvais, puis ils veulent plus nous approcher. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est vrai que je mange beaucoup de patates frites dans les épisodes. C'est bon, les patates frites. Ah ouais. Mais oui, c'est ça, ben le Jeff et Vicky Show... Oui. Le show qui s'éloigne un peu plus de l'horreur, parce que c'est nous autres qui décidons les films. Puis autant j'adore les films gore, pour vrai, c'est ça qui me surprend. Je suis une grande, grande fan de films gore. Gore, ces temps-ci, quand je fais des propositions, c'est jamais ça. Puis comme c'est toi et moi, Jeff, qui choisissons les films, ben ces temps-ci, je pense qu'on est vraiment là-dedans, toi puis moi, dans des films beaucoup qui s'éloignent du gore puis qui s'approchent de l'humain. Oui, oui. Puis j'ai choisi... tu avais proposé... Nos deux films à soir, dans le fond, c'est Répulsion de Polanski, je vais les nommer tout de suite, puis Queen of Earth de Alex Perry Ross ou Ross Perry, je ne sais plus trop. Ouais. Je vais juste vérifier deux secondes. Alex Ross Perry. Puis okay. Dans le fond, j'ai choisi ce deuxième film-là à partir de ton choix à toi, Répulsion, parce que j'avais lu que ça c'était semblable, voyons, c'était beaucoup influencé par Répulsion. Puis... Ça m'étant en vedette Elisabeth Moss, puis moi, ben, j'étais dans la semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai écouté la première saison de Handmaid's Tale. J'étais vraiment là-dedans, moi et ma blonde, on était vraiment là-dedans. Fait que je me suis dit, hey, cool, ça serait. J'ai envie de voir ce film-là que je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler, puis c'était avec Elisabeth Moss, fait que j'étais vraiment, vraiment mindé pour le voir. Hein. Ouais, fait que c'est ça, fait que nos purs et durs d'horreur seront peut-être un peu déçus. Mais ceux qui sont contents de nous écouter juste pour nous entendre jaser de films, je pense qu'ils vont en avoir plein là-dedans ce soir. Et moi, je tiens à dire quelque chose. Je suis écœurée du féministe. Je suis écœurée, ça me court après. J'ai pris des films au hasard, choisi des livres au hasard. Et tout est féministe ces temps-ci. Tout est sur les femmes. Tout, ça n'a pas de sens, peu importe. Mais déjà, on n'arrête pas de dire que 2018 sera l'année de la femme, tu sais. Mm-hmm. Je pense que ça a même commencé en 2017, mais 2018 sera l'année de la femme. Et c'est incroyable, tout ce que je touche, on dirait ça tombe sur le féminisme, mon Facebook, whatever. Où je veux en venir, c'est que présentement, à la capsule, j'ai une boîte de films à donner ou à échanger. Parce que c'est des films que j'ai en double, fait que soit à vendre ou à échanger. Donc soit tu me donnes 2$ pour un film, soit tu me l'échanges contre un film que j'ai pas. Et là, j'ai commencé avec une deuxième boîte de livres à donner ou à échanger. Et quelqu'un a pris un de mes livres. En échange, il m'a donné Dolores Claiborne de Stephen King. Oui. Et j'ai embarqué hier soir durant un shift et j'ai lu plus de 145 pages en même pas une soirée. Une soirée où je travaillais, là. Fait qu'entre 3-4 tâches, j'ai lu 145 pages. J'ai fini à 1h du matin et j'ai dit « Ah, oh, encore un petit 20 pages avant d'aller me coucher. » Et c'est un livre de 92-95 et hyper féministe, c'est incroyable. Je suis comme, même dans les romans que je prends par hasard de Stephen King, c'est hyper féministe. C'est écrit en 90 et ça vient me rattraper et c'était carrément par hasard et ça vient de me rattraper. Alors je te dis, là, 2010 sera l'année de la femme ou ne sera pas. Mais c'est bon de le rester les bornes. Moi, je me rappelle, je l'ai lu, puis c'était... J'avais aimé ça. Ah, c'est vraiment super bon, pour vrai, là. C'est vraiment super bon. Mais c'est ça, je me dis, c'est écrit par un homme, comme je dis, 92-95, là. Fait que, mettons, début 90. écrit par un homme avec un personnage de femme aussi fort. Je me dis, mais c'est ça, j'ai lu la moitié, j'ai hâte de lire l'autre moitié, ça va venir après le podcast. Mais je sais pas, c'est juste, je me dis, crème, on a peut-être passé à côté de ça, ou peut-être qu'au contraire, il va ressortir d'ici la fin de l'année, là, il va avoir un nouvel hommage à Dolores Claiborne, parce que c'est dans l'air, ce livre est dans l'air. Ben, surtout que à l'automne dernier, on a eu Gerald's Game sur Netflix, puis Gerald's Game, qui est un autre roman de Stephen King, se passe dans le même univers, dans la même période que Dolores Claiborne. Il y a un événement dans Dolores Claiborne qui se trouve aussi dans Gerald's Game. Les deux personnages vivent dans à proximité. Puis dans le film, il y a une référence à Dolores Claiborne. Dans le film de Gerald's Game. Puis il y a un film de Dolores Claiborne avec Kathy Bates, je sais pas si tu l'as déjà vu. Ouais. Il est sur ma liste ce soir. J'ai fait une petite demi-heure de Letterboxd. Pour ceux qui veulent nous suivre, hein, moi aussi je suis sur Letterboxd. Vicky Langlois, toi aussi. Ouais. Est-ce que c'est ton nom, JF? JF Tremblay ou. C'est ça. Je vérifie, mais oui. Fait que je viens de faire une petite demi-heure, 45 minutes sur Letterboxd à mettre des films que j'avais vus, mettre des films en wishlist de voir et tout. Et Dolores Claiborne en fait partie. Ça va être vu très rapidement, ça. Mais c'est ça, en soir, je me dis, je pourrais l'écouter. Je suis comme, ben non, je vais finir le livre. J'ai lu plus de la moitié, fait que. Ouais, puis c'est quoi? C'est 400-500 pages, j'imagine? Ah, même pas, parce que c'est pas une édition de poche que j'ai. C'est plate que j'avais pas de webcam, parce que tu pourrais le voir. Mais c'est ça, moi, c'est un grand livre, fait que c'est 325 pages. OK. J'en ai lu 145, fait que tu sais. Ça va bien. Ouais, c'est ça, je te dis. Je suis vraiment partie, j'ai adoré. Mais c'est ça, je me suis dit, je m'attendais pas à ça, parce que. Pas juste parce que c'était du Stephen King, mais c'est que vraiment, présentement, tu sais, à la capsule et ailleurs dans ma vie. Je suis attaquée par les féministes! Non, il faut comprendre l'ironie de mon message dans le sens où, vu que je baigne là-dedans, plus t'es là-dedans, même ta vie devient un algorithme. Hein. Plus t'es là-dedans, ouais. Plus t'es en contact de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste ça, c'était juste de dire que, en plus, on est le mois de la journée des femmes. Ouais. Alors, on s'entend que depuis début mars, je suis bombardée. Mais j'aime bien, mais à un moment donné, c'est sûr qu'on fait un overdose, peu importe de quel sujet, là. Et là, je prenais un petit livre, puis j'ai adoré. Moi, on dit que c'est bon. Mais parlant de livres, vu qu'on en parle, j'ai... En décembre, je l'ai peut-être mentionné ou pas. Ben, je pense que je l'ai mentionné. Je lisais un livre qui s'appelle The Name of the Wind. Je vais le mettre à la caméra ici pour nos Patreons. C'est Patrick Rothfuss. C'est de la fantasy, mais c'est pas... pas d'affaire avec des elfes ou des trolls ou quelque chose comme ça. Là. C'est plus... Il y a un peu de magie là-dedans, mais c'est moi, ce que j'aime, c'est le réalisme de la chose. C'est l'histoire, en gros, c'est un personnage principal masculin qui s'appelle Quote, puis qui raconte l'histoire de sa vie. Lui, il vit un peu sous une autre identité de nos jours. Fait que là, il raconte l'histoire de sa vie, la vraie histoire. Pour la première fois, il raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie. Puis c'est super intéressant, de sa jeunesse jusqu'à... Je sais pas trop quand, parce qu'il est supposé avoir un troisième livre, il est pas encore sorti. Puis là, c'est ça, là, je suis dans le deuxième en ce moment. Je viens juste de passer à moitié. Là, c'est une grosse brique de 1000 pages. Là, puis, le deuxième s'appelle The Wise Man's Fear. Je le mets devant la caméra aussi. Puis c'est ça, j'adore ça. C'est super bon. Puis plus tard cette année ou l'année prochaine, ça va être adapté à la télévision par le gars qui a créé la comédie musicale Hamilton, Lin-Manuel Miranda. Qui est un gros fan des romans, puis qui s'occupe d'adapter ça pour la télévision. Puis moi, je le recommande vraiment fortement. C'est super bon, ces livres-là. En tout cas, là, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en adaptation, mais pour l'instant, je capote là, sur les livres, là, puis tout ça. Bon, on en fera un review, hein, moi puis JF, vu qu'on fait le JF et Vicky podcast. Je vous explique maintenant, vu que nous, on est des deux gros écouteurs de séries télé, oui. On va vous faire des reviews de séries télé à partir de maintenant, Alt Horror Gamer. Le Gamer, maintenant, ça va être horreur plus série plus livre plus... C'est ça. On va en mettre, nous autres, dans le Gamer. On est bien Gamer. On élargit nos horizons. Et voilà. Mais depuis les deux dernières semaines, j'ai terminé la série de Handmaid's Tale, comme je disais tantôt. Puis, astique, c'est bon. C'est la première saison, là, c'est vraiment... Puis je le disais en moitié de saison que c'était, je trouvais ça meilleur que le roman. Puis le roman est excellent, là. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, le roman, c'est un grand classique de la littérature canadienne. Puis c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait lire. Puis la série élève ça, là. la force des images. C'est rare que j'ai vu quelque chose qui élève un roman comme ça, mais il y a des regards, des fois, des scènes que juste dans le regard ou juste dans la petite gestuelle qui peut pas se retrouver dans le roman, que tu fais « My God, que cette scène-là est tellement plus puissante! » Wow. C'est ça. Puis Elisabeth Moss, comme toujours, elle est extraordinaire, je trouve. Puis c'est pas juste elle, tout le monde là, dans la série. Là. Alexis Bledel de Gilmore Girls était écœurante là-dedans, puis tout le monde est super bon là-dedans. Ah, j'ai vraiment hâte. Ouais, je devrais m'y mettre, mais je veux, tu sais, prendre un temps pour vraiment pouvoir me concentrer, pas le faire en travaillant ou en faisant autre chose, que ce soit pas juste un bruit de fond, non, mais vraiment pas, c'est ça, tu sais, je veux pouvoir prendre le temps de tout regarder. Mais c'est ça sur me fait DVD, penser... ça vient de sortir en DVD, oui, fait que c'est ça. C'est disponible partout. Mais c'est ça, c'est que ça me fait penser, moi j'ai écouté une saison, tu sais, quand tu claques une saison ou une journée, là, une saison de 10 épisodes de Broadchurch, la saison 3. Oui. Sérieux, tu sais, quand je te dis le féminisme, il est partout, là, la femme est partout, je me fais attaquer. Ben, saison 1 et 2, c'est sur des. Parce que Broadchurch, en fait, ça se passe sur une petite île, puis tout et tout. Et c'est on résout des crimes, tu sais. Une saison, un crime, mais c'est mieux ficelé que ce que j'en décris présentement. La saison 1, c'était le meurtre d'un jeune garçon. La saison 2, c'était la résolution du meurtre du jeune garçon, entrecroisé du meurtre de deux jeunes filles. Et la saison 3, c'est sur un viol. Mmh. Et là, t'as tout le traitement du viol dans le premier épisode par la police. Puis tout le « on vous croit », puis tout le « pourquoi moi », puis... Tu sais, il y a une scène où toutes les femmes de Broadchurch se ramassent autour de l'île avec un lampion parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que c'est un violeur en série. Ils ont peur. Tu sais, quand je t'ai dit, je pars une série de Broadchurch saison 3 qui n'a jamais été question de féminisme, puis la saison 3, c'est ça, bord en bord, là. Le Me Too, on vous croit, tout ce phénomène-là. C'est vraiment bien traité. Pour vrai, là, la saison 3 de Broadchurch, là, puis... Ce qui est le fun, c'est que ça peut être pris à part. La 1 et 2, il faut vraiment les voir ensemble, mais la 3 peut vraiment être prise seule. Et c'est vraiment puissant. Pour vrai, là, il n'y a pas juste la féministe en moi qui a été conquise. Il y a la curieuse, la série d'horreur. Donc, tu sais, c'est vraiment... c'est quoi pour un... Tu sais, un livre, c'est un page-turner, mais une série, c'est il y a tellement de cliffhangers que tu veux tout le temps les continuer. C'est vraiment pour ça que j'ai écouté la saison d'un seul coup. Parce que, pour vrai, ça arrête pas. Puis, tu sais, c'est rare une série policière de crimes où on n'enquête pas sur un meurtre. Mm-hmm. Puis le policier le dit à un moment donné. Il dit « Je suis tout mêlé. » Parce qu'il dit « D'habitude, j'enquête sur des meurtres. » Il dit « Ça, je sais quoi faire. Mais là, j'enquête sur un viol avec une victime en vie. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment m'y prendre. » Mon témoin principal est sous le choc. Je sais pas. Puis c'est super intéressant d'entendre vraiment le policier décontenancé parce que sa principale victime est en vie. Je fais quoi avec ça, t'sais? Ouais. Je fais parler les morts d'habitude, là. Faut que je m'attaque à une vivante. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'est livre et série télé en première partie de Horror Gamer. Ouais, oui. Ben, c'est ça. Moi, j'en reviens tout le temps à ce que tu m'avais dit en début d'année. Fait que. Ouais. Tu m'avais demandé de parler de livres, je parle de livres. Ben surtout qu'on est deux joueurs en moins ce soir, fait qu'il faut quand même remplir du temps. Hein? Ben oui, c'est ça. ben là-dessus, on peut aller à la femme qui crie, je pense. C'est la dame qui crie. Yes, puis, on va commencer avec la discussion de nos deux films. Je sais même pas si on va faire une séparation entre nos deux films. Je pense qu'on va tellement mélanger un peu tout ce qu'on dit, ce qu'on a à dire sur les deux. Je pense. On va voir, on va voir comment ça va se dérouler. Fait yeah. Allons-y avec la petite madame qui crie, puis on vient tout de suite. Alors, ce soir, on commence avec Répulsion de Roman Polanski, un film de 1965 qui met en vedette, entre autres, Catherine Deneuve. Ça raconte l'histoire, en gros, de Carole Ledoux, qui est jouée par Catherine Deneuve, qui est... de jour, elle fait des manucures. Ben, de jour, elle fait des manucures. C'est son travail. Job, ouais. C'est sa job. Puis, elle vit chez sa sœur. Qui, elle, sa sœur, elle a un chum. Puis, la personnage de Catherine Deneuve est un peu renfermée, renfrognée. Puis, un peu mal à l'aise avec la plupart des gens, on dirait, surtout les hommes. Puis, on apprend un peu à la connaître à travers ses relations avec les autres, ses interactions avec les autres. Moi, en fait, j'avais lu un résumé avant de commencer le film qui disait qu'elle avait une peur pathologique des interactions avec les hommes. Puis okay. Pendant la première demi-heure, j'étais comme, ben, il me semble pas. Il me semble qu'elle voit des hommes, puis s'il y avait vraiment une peur pathologique, elle ferait un grand détour pour les contourner dans la rue, mettons, ou quelque chose comme ça. Ou, mais elle a un gars qui court après elle, puis tout, tu sais, puis elle a. Ben, c'est ça, le chum à sa blonde qui est là, tu sais. Ouais. C'est ça, je veux dire. Mais non, finalement, tu vois que. Je sais pas si la description que j'ai lue était. Est fausse ou pas, mais tu vois que c'est son problème est ailleurs. Ouais, il cible les hommes, mais je sais pas si c'est vraiment une peur pathologique qu'elle a, là, ou si on sait pas vraiment tout le long du film c'est quoi, d'où vient son problème avec les hommes en général, là. C'est mais un résumé de marde que j'ai fait. Je suis désolé, mais c'est pas grave, ça va être ça. Ben, non, mais c'est correct, parce que comme j'ai dit, je pense qu'on va vraiment parler de deux films conjointement. On va pas vraiment les séparer ce soir, parce que les deux films se rapprochent énormément l'un de l'autre. Puis les comparer de un heure, ça serait bizarre, parce qu'on va toujours y retourner. Oui, et à ce moment-là, moi, je te propose de décrire tout de suite Queen of Heart. Oui. Et comme ça, on va pouvoir comme voir un peu comment qu'on en est par rapport aux deux films. Queen of Heart, dont le réalisateur, c'est Alex Ross Perry. Alex Ross Perry. Et le film, est-ce que c'est 2017? 15. 2015, OK. Donc, on est dans un film de 2015 où, suite à une séparation difficile, une amie, Victoria, va rejoindre son amie Virginie, aussi appelée Ginny, dans sa son chalet dans les bois, mais ça a l'air d'être une réunion annuelle. Oui. Tu sais, comme, elle y va tous les ans, mais cette année-là, elle y va en plus suite à une rupture, et cet isolement-là va faire en sorte qu'elle va encore plus avoir une descente aux enfers et vraiment aller lentement vers des problèmes sérieux de santé mentale. En anglais, c'est « insanity ». Elle le répète souvent, l'actrice, quand elle parle de son rôle, « she's insane ».« She goes insanity ». Elle descend rapidement vers cet état instable mentalement. Donc, les deux films nous proposent l'histoire d'un personnage féminin principal qui fait une lente descente dans son enfer personnel. Et qui a une bizarre de relation avec les hommes. Oui, oui, tout à fait. Les deux ont une bizarre relation avec les hommes. Puis, juste pour donner l'information, c'est que le Répulsion est considéré comme un film d'horreur. On en parle dans Horror Gamer parce que c'est un film d'horreur. C'est d'horreur psychologique. Mais Queen of Heart est considéré comme un thriller psychologique. C'est moins de l'horreur. Fait que... Oui, tout à fait. Si, pour ceux qui nous écoutent pour vraiment le fanatisme de l'horreur, ceux qui nous écoutent vraiment pour horreur, vous allez préférer Répulsion à Queen of Heart. Ceux qui nous écoutent simplement pour le plaisir des films, ben moi, personnellement, je conseille plus Queen of Heart. Je pense que oui, Répulsion fait plus horreur, mais Queen of Heart m'a beaucoup plus intriguée et m'a beaucoup plus tenue sur ma chaise que Répulsion. Je sais pas pour toi, là? Ouais, moi aussi, oui. Oui. Ouais, j'ai failli dire, je me suis emmerdé un peu avec Répulsion, mais c'est pas vrai. Après, j'y réfléchissais, puis il y a plein de petits détails là, qui sont intéressants, mais... Non, mais Queen of Heart, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis... Quoique, tu sais, je veux pas tout de suite aller dans la finale, puis je veux pas spoiler rien, mais tu sais... La fin peut ne pas plaire à tout le monde, mais... En termes de performance, je reviens tout souvent à ça, mais Elizabeth Moss est incroyable. Puis je connaissais pas l'autre actrice qui joue avec elle, mais elle s'appelle Catherine Waterston, puis elle est écœurante aussi. Là, pour mettre quelqu'un à côté d'Elizabeth Moss, faut que ce soit quelqu'un de solide, puis elle est vraiment écœurante. Là. Puis j'ai adoré la direction photo de ce film-là. Je pense que c'est tourné sous pellicule. Il y a un grain, il y a une chaleur à l'image. Oui. Puis la manière aussi que la lumière est... est absorbé par le film, tu le sens, en général, c'est pas du digital, là. C'est vraiment, ça a l'air à de la pellicule. Ça rajoute de quoi pour moi en plus, ça se passe dans un super de beau chalet, un décor incroyable, paradisiaque, t'as vraiment juste envie, puis ma mère en a un chalet qui est vraiment pas aussi beau que ça, mais qui a vraiment son charme aussi. Ça fait 40 ans qu'on y va, ce chalet-là, puis j'ai fini le film, puis ben, tout le long du film, j'avais juste envie d'aller au chalet, puis juste envie d'aller se baigner. Ah, puis, j'ai hâte au printemps. C'est ça. Ce film-là m'a donné envie du printemps. M'a dit, comme toi, la manière que le soleil est filmé, tu sais, ils ont pas l'air d'avoir une chaleur écrasante, juste une chaleur de printemps, le fun, là. Oui. Tu sais, on dirait que l'univers dans lequel ils sont est à l'opposé du sentiment qu'elles ont. Oui, exactement, oui. C'est vrai, c'est paradisiaque, là. C'est quoi le mot que je cherche? Attends, c'est un havre de paix. Oui, et pourtant, ils sont dans la... Puis peu importe dans le film, hein, même quand on remonte, parce que le film fait des flashbacks avec l'année précédente, et même l'année précédente, le soleil est là, la chaleur est là, le confort, la petite eau pour se baigner les pieds. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est un coin où le temps est arrêté. Oui. Oui, c'est vrai. Alors que dans Répulsion, on est dans ville, tu sais. Tu sais, tu disais qu'il faut qu'aller vite les gens, mais moi, personnellement, je pense que c'est peut-être un petit peu raté de Répulsion. C'est que vu qu'on est dans ville, ça aurait pu être un peu plus étouffant. Mais je l'ai pas senti étouffant ou dangereux, la ville. Non, mais en y réfléchissant après, je me disais, son univers à Catherine Deneuve dans Répulsion est rempli d'hommes, comme l'univers de Blindé, des femmes depuis toujours, de tout le monde, mais tu sais, les femmes dans Répulsion occupent surtout un rôle comme... Elle a travaillé dans un truc de manucure, les femmes dans le film sont presque juste là, et on n'en voit pas vraiment ailleurs, tu sais. Le reste, c'est des hommes... T'sais, son propriétaire, c'est un homme. Un moment donné, c'est un détail, là, mais un moment donné, sa sœur regarde la TV. À la TV, elle regarde un match de lutte. C'est des hommes qui se battent. T'sais. C'est pas un show des femmes là, qui parlent ou quoi que ce soit. Non, c'est un show de lutte. Y a des hommes partout. Les seules femmes qu'on voit, c'est les femmes qui font des manucures, puis les nonnes qui vivent à côté, avec lesquelles elle a jamais d'interaction, mais vers lesquelles elle est fascinée. T'sais, elle est fascinée par ces nonnes-là. Mais sinon, son environnement est rempli d'hommes plus ou moins toxiques. Tu sais, il y en a qui sont plus ou moins toxiques. Oui et non. Tu sais, t'as le propriétaire à un moment donné qui vient faire sa scène. Oui, c'est ça. Lui, il commence à être achalant pas mal. Il est problématique, oui. Puis le beau-frère, sans être problématique, il prend de la place pas mal aussi. Mais il n'est pas toxique, tu sais. C'est pas une norme. Non. Puis le chum non plus. Le chum, il est insistant un peu, mais tu sais, en même temps, il veut juste comprendre qu'est-ce qu'elle a, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, les deux films, moi aussi, je vais recommencer avec Répulsion, en fait. Moi aussi, je me suis un petit peu plus emmerdée avec Répulsion. Mais les deux films commencent à être intéressants après la première demi-heure, parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est que la première demi-heure est tellement mise en place. Dans les deux cas, la première demi-heure est tellement submersive et descriptive qu'à un moment donné, tu dis, il faut qu'il commence à se passer quelque chose. Oui, parce que moi, dans Queen of Earth, ça a pris du temps, mais que je me... C'est ça, une bonne demi-heure là, avant que je me dise « Mais pourquoi je m'intéresse à ces deux femmes-là? Pourquoi on les suit? » Tu sais, j'ai... Ouais. Je comprenais pas c'était qui ces personnages-là, tu sais, puis... Non, ça a pris un bout de temps que je m'intéresse vraiment à l'histoire, là. Ça, moi, tous les... Puis les deux films, tu sais, reste que vu que Répulsion part sur une trame d'horreur et Queen of Hearts part sur une trame beaucoup plus... subtil, beaucoup plus proche des personnages. Je pense que c'est pour ça que j'ai préféré Queen of Hearts, parce que je trouve que c'était plus humain. Oui. Tandis que Répulsion, c'était un peu malaisant parfois. Tu sais, je trouvais qu'il y avait des actions que l'actrice faisait, que le personnage faisait en fait, qui n'étaient pas très crédibles ou qui étaient très rapides. Oui. Tu sais, il manquait de fondement parfois dans ses agissements. Ça sortait un petit peu de nulle part. Tu sais, j'ai posé la question tantôt au souper à ma blonde. J'ai dit... Elle a juste vu Queen of Earth. Elle n'a pas vu Répulsion. J'ai dit, de ton point de vue, puis je vais poser la question à Vicky aussi, j'ai dit, de ton point de vue, c'est un film écrit par un homme, réalisé par un homme. Est-ce que dans les dialogues ou quoi que ce soit, t'as senti quelque chose qui était pas vraiment réaliste, venant de... d'une discussion de femmes dans le film. C'est surtout que ma blonde, elle a une meilleure amie aussi avec qui elle a ce genre de rapport très très proche, là, comme ils sont supposés avoir idéalement dans le film. Là. Mais ça va finir par chier dans le film. Mais une amie qu'elle connaît depuis très très longtemps, avec qui elle est très très proche, elle a ça. Puis, je me disais, est-ce que ça sonne vrai? Puis Ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas vraiment fait attention à ça. Mais elle dit si on y porte pas vraiment attention, c'est parce que c'est correct en général. Tu sais, c'est pas mauvais, là. Ben, tout à fait. Moi, je pense que ça sonne pas comme un gars qui a écrit des dialogues. J'ai vraiment un feeling. Moi, je suis allée écouter une entrevue après. Puis j'ai vraiment un feeling que ce gars-là, il a pris un personnage féminin parce qu'il voyait son histoire au travers d'un personnage féminin. Mais il a pas dit, vu que c'est une femme, avoir des dialogues comme ceux-là. En revanche, je m'excuse, je t'ai coupé. Ben, continue, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai trouvé qu'au contraire, les dialogues étaient très réalistes. Au contraire de se dire, c'est un gars, fait que ça va parler de bouffe, puis tout. Au contraire, je l'ai trouvé super réaliste dans l'arrogance que les deux femmes ont, l'espèce de... comment qu'on dit ça? Je l'utilise tellement souvent en plus, le passif agressif. Oui. Les filles ont énormément de conversations passives-agressives. Puis, c'est pas sur les gars. Tu sais, c'est pas... On pense que le passif-agressif, c'est nos jalousies parce qu'on est en amour avec les mêmes hommes. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Puis, je trouve que... Est-ce que c'est une question d'époque? Je le sais pas. Mais le film Queen of Heart reflète beaucoup plus ça que Répulsion. Quand Répulsion parle... entre autres d'une bataille entre deux femmes, puis là, c'est quoi, elles sont lesbiennes? Non, elles sont pas lesbiennes, ils aiment le même homme. Moi, j'aurais aimé ça, voir deux femmes se battre, puis j'ai manqué ça. Ça, c'est très macho, gars. Mais ça, dans Répulsion, je vais juste répondre à ça. Dans Répulsion, c'est pour... je pense que c'est voulu dans le sens... c'est voulu, tout est voulu, mais c'est voulu dans le sens où tu as aussi une discussion de femmes à un moment donné dans le salon de manicure où tu as une madame âgée qui dit aux petites jeunes employées « Ah, les hommes, ça pense juste au sexe, tu devrais t'en servir comme ça pour les manipuler, tu sais, te servir du sexe pour les manipuler, pour les mettre à genoux, puis tout. » Tu sais, tu as les discussions de femmes qui portent là-dessus, puis tu as les discussions d'hommes au bar qui sont exagérées, qui sont, ça, sont caricaturales. Dans le fond, dans les deux cas, c'est caricatural, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais justement, le fait que ce soit caricatural, même si c'est dans les deux cas, ça fait en sorte que moi, ça m'intéresse moins que dans Queen of Heart, que j'ai trouvé les dialogues percutants. Oui. Autant dans les dits que les non-dits, mais tu sais, quand que... je m'imaginais, tu sais, moi, je suis partenaire avec une fille, hein, fait que là, je passe 90 heures par semaine avec une fille, la même personne, puis j'y voyais quand tu marches sur des œufs pour dire quelque chose à ta chum, quand t'as envie de dire « botte-toi le cul », mais tu veux pas lui dire « botte-toi le cul » quand la personne est super bête avec toi puis t'as envie de dire « mais pourquoi t'es bête avec moi? » Puis que la fois que tu pognes les nerfs pour dire « pourquoi t'es bête avec moi? » ça fait juste dégénérer. Je l'ai senti. J'ai senti ces dialogues-là. Alors que dans Répulsion, j'ai trouvé que ça restait beaucoup en surface au niveau des dialogues. Ben, c'est ça. Moi, ce que j'allais dire tantôt quand je t'ai coupé, c'est ça. Je trouvais que, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je trouvais que Répulsion, je le sentais que c'était des hommes qui avaient écrit. Il y a trois scénaristes hommes, dont Roman Polanski. Puis il y a des scènes que je trouvais le dialogue vraiment là superficiel. Comme un moment donné, il y a une collègue de travail qui chiole contre les hommes, est avec elle dans le local où ce qui se change. Puis je sais pas, je trouvais que la discussion faisait vraiment jeune scénariste homme qui connaît pas vraiment les femmes puis qui écrit un petit dialogue poche genre ah les hommes sont tous des cons, tous méchants. Puis pourquoi sont comme ça? Puis je lui fais tout le temps confiance. Puis je me fais tout le temps avoir. Puis c'est pas, tu retrouves pas du tout la subtilité de Queen of Earth, qui est, comme tu dis, qui est dans le passif agressif, ou des fois même dans le non-dit, t'as des situations des fois dans Queen of Earth où il y a une scène vers la fin du film où tu as Elizabeth Moss qui est en dehors du chalet, elle regarde par la vitre en dedans, puis son amie est là, couchée en train de lire sur le divan, puis les deux se parlent pas, puis sont séparés par le mur, par la fenêtre, puis c'est super beau ce plan-là, c'est super tranquille, puis t'as tout le poids de leur relation puis de les sentiments qui les empêchent de se parler tous les deux que tu ressens là. En tout cas c'est très puissant. Puis comme tu dis, ce qui est le fun avec Queen of Heart, c'est que les filles, ils ont une relation vraiment malsaine l'une envers l'autre, là. Tu vois qu'ils se disent être là l'une pour l'autre sans être là l'une pour l'autre. Oui. Et c'est pas dû aux hommes, c'est ça que j'ai aimé beaucoup du film, c'est que c'est pas dû par une jalousie des hommes, elles sont jalouses de une envers l'autre. Elles voudraient que l'autre prenne plus de temps pour elles. Elles s'accusent. Il y a beaucoup de projections dans ce film-là. Elles s'accusent beaucoup de choses qu'elles font elles-mêmes. Elles se jugent beaucoup sur ce qu'elles font elles-mêmes. Virginie, non, Catherine, elle tient un long discours envers Rich à quel point c'est une merde, mais c'est un discours tellement de projection. Elle se parle à elle-même. C'est pour ça qu'on regarde pas la réaction de Rich. C'est pour ça que Rich, durant cette scène-là, n'existe pas. Parce qu'on s'en fout de comment il pense. Parce que ce qu'on veut, c'est elle qui réagit à son propre discours. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que on s'en fout des hommes. Les filles sont malades l'une envers l'autre et envers elles-mêmes. Ce n'est pas de la dépendance, c'est pas de la jalousie, c'est pas dirigé envers les hommes ou quoi que ce soit. C'est elle envers elle-même, puis les deux amis entre amis, puis c'est ça que j'ai aimé. Oui, Répulsion, il est quand même super intéressant, il amène plein de bonnes bases, puis le personnage de Catherine Deneuve est incroyablement bien joué. Le personnage en lui-même est intéressant, toutes les scènes qu'elle a dans son appartement sont intéressantes, mais toutes les agressions qu'elle subit, c'est par des hommes. Je le sais que c'est ça le sujet du film, je suis pas conne, mais ça pourrait être par elle-même. Ouais. Tu sais, quand elle est dans sa chambre, puis elle hallucine un viol. Ça, c'est mes scènes préférées, j'allais en venir à ça, là. Sont super bonnes, les scènes. Sont vraiment incroyables, mais on pourrait montrer plus à quel point elle l'imagine, tu sais. Qu'elle se le fait à elle-même, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Mais je trouvais ça tordu pour 1965, je trouvais ça que la... Oh, oui. Parce que c'est quasiment de l'ordre du fantasme, là, tu sais. Quand elle se met du maquillage, la troisième ou quatrième fois, là... C'est du fantasme, là. À fantasme de se faire violer la nuit. Mais c'est ça, puis... Tu sais, quand elle retourne travailler dans Répulsion, elle a fantasmé quelqu'un qui lui a dépeigné, qui l'a maltraité, elle a dépeigné dans les cheveux, puis tu sais, c'est très, très montré, là. Il y a vraiment un plan très long sur le fait qu'il lui défait sa chevelure. Mm-hmm. Et quand elle retourne travailler le lendemain matin, sa patronne lui dit, puis arrange-toi les cheveux. Oui. Donc, tu le sais qu'elle s'est défaite elle-même sa chevelure durant ce fantasme. Mais c'est ça que j'aurais peut-être aimé voir, que c'est elle-même qui se le fait à elle-même. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, puis non. J'ai perdu mon fil de pensée. Continue, j'ai perdu. Ben, en fait, j'irais sur la temporalité. Oui. Les deux films ont une temporalité fixe et floue tout à la fois. Dans le sens où on sait jamais on est à quel moment dans une journée ou dans l'année. Le Queen of Hearts a des flashbacks, Répulsion n'a pas de flashbacks, mais les deux films, les temps où les filles sont seules est tellement étiré. Tu sais, c'est ça. Mettons, une conversation avec une gang va durer 5 minutes, puis les regards les unes envers les autres vont en durer 25. Oui. Et Répulsion, c'est la même chose. Tu sais, on entend qu'elle n'est pas rentrée travailler pendant 3 jours, mais on avait l'impression que c'était une demi-journée. Oui. Donc, il y a un jeu avec le temps dans les deux films vraiment intéressant. Je sais pas si tu veux partir là-dessus. J'avais rien de particulier vraiment à dire là-dessus, mais non, c'est vrai que c'est intéressant. J'avais pas souligné vraiment ce détail-là. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on passe plus de temps avec les deux filles dans Queen of Earth. Les scènes qu'elles ont autour, à côté du canevas, à côté de la peinture, c'est tout à les meilleurs, je trouve. C'est parmi mes préférés, en tout cas, de ce film-là. Puis c'est les plus révélatrices, là. Ouais. Puis tu parlais de leur relation. Puis je vais juste revenir 2 secondes là-dessus parce que je viens de me rappeler ce que je voulais dire. Mais c'est ça, on remonte, on voit des flashbacks de l'été précédent. Puis on imagine que à travers les dialogues, tu sais, que cette relation-là existe depuis longtemps, depuis l'enfance. Mais. Tu vois à quel point ils se sont éloignés. C'est l'histoire, en fait, de deux amis qui se sont vraiment éloignés avec le temps, puis qui se comprennent plus, qui se ressemblent plus. Puis c'est ça, le film, en fait. C'est, selon moi, Queen of Earth, c'est pas juste une descente aux enfers d'une femme. C'est les deux amis qui se comprennent plus pas en tout, puis qui ont deux vies complètement différentes, puis ils sont plus là l'une pour l'autre. T'sais. Ils pensent, ils disent qu'ils sont là, mais ils sont plus là. T'sais. Puis ça, c'est un peu un sujet tabou, je te dirais. Je sais pas pour les gars, mais je peux vraiment parler pour les femmes. La fin d'une amitié. Pour les filles, là, c'est super tabou. On dirait que pour les filles, il faut que nos amitiés remontent à l'enfance, au secondaire, au primaire. Je vois encore beaucoup de photos de filles du secondaire qui se tiennent encore ensemble, sont super contentes. Du moins, je peux pas dire que je juge pas ça, je juge ça énormément. Mais, je veux dire, il y a un énorme besoin pour les filles de conserver leur amitié puis de l'entretenir, pas au fil des ans, au fil des décennies. Mm-hmm. Et les filles ont beaucoup de difficultés à dire « Hey, on est peut-être plus rendu aux mêmes places, puis on est peut-être plus amis. » Puis ça, je le vois énormément. Puis j'en avais discuté avec ma sœur. C'est ça qui est étrange, parce que ma sœur est ce genre de personne-là. Est le genre de personne qui a ses amis depuis le primaire, depuis le secondaire, puis qui a pendant longtemps là, entretenu ces amitiés-là. Mais pour faire une longue histoire courte, ma sœur est malade, elle est souvent malade. Elle a le cancer, puis elle s'est rendue compte à quel point sa vie ne tient qu'à un fil, puis qu'entretenir des amitiés qui datent de 10 ans, parfois c'est lourd, parce que les gens sont pas à la même place. Ouais. Parce que, mettons, je vais te donner un exemple, ta chum de fille, elle a eu un enfant à sortie du secondaire, bien, elle s'est occupée de son enfant à 19 ans. Ben, à 29 ans, elle a envie de sortir d'un club. Mais toi, à 29 ans, tu viens d'avoir ton troisième. Ouais. Fait que t'as pas envie de sortir d'un club. Mais ces deux filles-là, ça n'admettront jamais qu'elles ne peuvent plus être amies. Elles n'accepteront pas ça. Puis ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, moi, ayant 30 ans bientôt. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait rapidement un X sur une amitié, puis ça me fait pas de peine. Dans le sens où, si je la vois dans la rue, je change pas de trottoir. Mais je suis pas gênée à dire, ben cette personne-là, ça a été ma grande, grande, grande amie. Je la voyais tous les jours pendant 2 ans. Et finalement, on s'est éloigné. Je l'adore encore beaucoup. Je l'apprécie comme personne. Mais quand on se voit, on a 6-7 mois de rattrapage. Puis je trouve ça plate. Parce que, tu sais, répéter sa vie pendant 6-7 mois, c'est long. Fait que je suis ailleurs. Et je me fais juger pour ça. Parce que c'est bizarre. Tu sais, puis... c'est correct, chacun ses pensées, chacun ses façons de voir les choses. Reste que, entre filles, c'est très tabou de dire « notre amitié est terminée, on a pris des chemins séparés ». Est-ce que c'est comme ça, les gars, aussi? Je peux pas parler pour tous les gars, mais j'ai eu ces réflexions-là, moi, parce que j'ai deux de mes plus vieux amis, je les connais depuis... Il y en a un que ça fait quasiment 30 ans, puis l'autre, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Puis, on se parle encore, puis tout, puis... Mais moi, je suis pas le genre de gars qui appelle souvent au téléphone. J'ai perdu cette habitude-là. Puis, au fil des ans, je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce qu'on restait amis. Puis, je les ai soumis cette question-là aussi. Puis, je sens que ça crée un malaise un peu parce qu'eux, ils se la posent pas nécessairement ou ils voient pas nécessairement les choses comme moi. Puis, eux, ils restent amis. T'sais. On est 3 amis, on se connaît. Puis, les autres, ils peuvent se parler tous les deux. Puis, moi, je peux parler à l'un. C'est pas tout le temps tous les trois ensemble. C'est ça. Mais. T'sais, entre eux, ces deux-là, ils peuvent. Ils se posent pas. Je pense qu'ils se posent pas vraiment la question, mais moi, je me suis posé pour moi envers eux autres. T'sais, pourquoi est-ce qu'on reste amis puis on partage plus tout à fait les mêmes affaires? Puis je vois pas le but des fois. Je vois pas la raison pourquoi. T'sais, je passe plus de temps à jaser avec vous autres un dimanche sur deux dans Horror Gamer qu'avec ces chums-là, t'sais, que j'appelle une fois aux 6 mois ou quelque chose comme ça. T'sais. Moi aussi, pendant un bout... Je trouve ça étrange de maintenir ces amitiés-là, mais à force de discussion, je fais « Ouais, tu sais, c'est sûr qu'avec le poids des années, fait que tu fais, ben, tu sais, on a un passé, on a quelque chose de partagé qui est précieux quand même, tu sais, puis qui... Tu sais, c'est des gens qui ont connu, mettons, mon père qui est mort il y a 10 ans, tu sais, c'est des gens qui l'ont connu, tu sais, qui me connaissent depuis longtemps, tu sais, qui connaissent toute mon histoire, puis... C'est ça, c'est quand même dur à couper tous les liens avec des personnes comme ça, tu sais. Puis je pense que c'est le cas du film, pour en revenir à Queen of Hearts. Ouais, c'est ça, ils maintiennent quelque chose qui, dans le cas du film, est malsain, là. Ça devient malsain, ça devient... Ben oui! Ça rend le personnage d'Elizabeth Moss... C'est ça, en fait, qui l'a fait descendre aux enfers en grande partie, tu sais. Le fait qu'elle s'est faite laisser au début du film, puis la mort de son père, sont des éléments déclencheurs, oui, mais c'est pas juste ça. C'est d'être près de son ami qui l'aide pas, dans le fond. Ben oui, totalement. T'sais, elle va dans cette zone-là pour... mais en même temps, oui, je change de pensée pour dire... On peut dire que oui, le personnage de Virginie... Catherine. Oui. Le personnage de Catherine est nocif pour le personnage de Virginia. Mais un an auparavant, c'était le contraire. C'est ça. Fait, ça va pas dans un seul sens. C'est ça que j'ai adoré du film. On n'a pas pointé un personnage comme étant problématique. Le problème, c'est ces deux-là ensemble. Pis c'est ça que je disais tantôt. Ils sont, sont pas à même place dans vie, puis ils s'entendent plus depuis un bout de temps, parce que l'année d'avant, c'est ça, Elisabeth Moss est venue avec son chum, puis là, elle agissait en couple parfait, qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux, puis elle se pavanait quasiment devant son amie, tu sais, puis elle parle au nous, on est comme ça, tu sais, puis elle a perdu totalement sa personnalité, tu sais, dans ce couple-là. Ouais. Puis l'année suivante, ben là, elle a besoin d'aide, elle a besoin de réconfort, puis elle trouve pas vraiment, elle trouve pas ce dont elle a besoin chez son amie. Alors que ça, c'était la situation contraire l'année d'avant, puis elle a pas donné son soutien non plus à son amie à cette époque-là. Fait qu'ils sont plus là l'une pour l'autre, tu sais. C'est ça. Ça, c'était super intéressant comme aspect. Puis pour en revenir à Répulsion, c'est peut-être quelque chose qui manque aussi, autant au personnage qu'au film, c'est la relation avec sa sœur. Oui, oui. Elle a une relation avec sa sœur au début du film, puis on y coupe court en donnant voyage à sa sœur. Oui, c'est intéressant parce qu'elle se ramasse seule dans l'appart, puis ça devient un huis clos, puis elle devient étouffée, puis enfermée avec elle-même. Fait que oui, c'est intéressant. Mais il aurait probablement été capable de le faire. Tu sais, sa sœur, aurait-tu pu juste aller chez son chum? Ben non, là, mais tu comprends, elle peut pas aller chez son chum 3 jours, mais tu comprends tout ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on aurait été obligé? On a vraiment coupé la relation qu'il avait avec sa sœur, puis ça aurait été vraiment intéressant de voir elle qui s'enferme puis qui tombe malgré la présence de sa sœur. Là, on peut quasiment croire que ça arrive parce que sa sœur est partie. C'est vrai. C'est vrai. Elle n'a pas d'amis, là. Elle n'a pas de relation. Puis ça aussi, ça serait intéressant de savoir pourquoi qu'elle n'a pas d'amis. Tu vois que les filles au salon l'aiment bien. Tu vois que les filles au salon veulent l'aider. Puis il arrive un malheur au salon sous sa supervision. Ouais. Il arrive un grave accident sous sa supervision. Puis ses amis la supportent. Il la critique pas, il rit pas d'elle, il l'attaque pas. On n'a pas une scène où tous les regards mystérieux sont posés sur elle. Donc, elle aurait possibilité d'avoir des amis, mais on la fait jamais entrer en relation avec personne dans le film. Ben, à part la fille qui a console à un moment donné, là, comme je disais tantôt, la scène que je trouvais qui sonne info, là, c'est la seule. Oui. Tu sais, qu'on revoit une couple de fois, puis que tu vois que c'est celle de qui est le plus proche, là. Mais c'est ça qui est dommage, parce que, un, comme tu dis, la scène, elle sonne faux. Oui. Puis deux, ça reste énormément en surface alors que ça pourrait avoir un beau potentiel. Oui, ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, tout tourne autour des hommes dans son univers. Les femmes sont pas importantes tant que ça. Puis j'essayais de trouver un sens à sa fascination pour les nonnes tout le long du film. Puis je comprenais plus ou moins, mais je trouvais ça intéressant, ce truc-là. Mais j'arrivais pas à l'expliquer, tu sais, vraiment. Ben, parce que j'imagine que c'est des femmes qui ont pas de rapport avec les hommes, qui sont complètement coupés de ces interactions-là, fait que ça l'attire peut-être. Là. Entre autres, puis il y a l'idée de sorority. Ils sont ensemble. Puis elle se tient. T'es pas seule. Parce que moi, je sens qu'elle aime pas ça du tout, être seule. Ça la fait capoter que sa sœur parte en voyage. Oh oui. Elle n'aime pas ça du tout, être seule. Puis quand elle est seule, elle s'imagine quand même se faire agresser par des hommes, par des mains. Parfois, il y a des mains, là. Il y a une fois qu'il y a des mains qui sortent de partout. Oui, oui. Donc, elle veut pas être seule. Mais ça aurait pu être un petit peu plus exploité, je pense. Oui, ouais, tout à fait. J'allais juste finir en disant c'est peut-être un petit peu maladroit, le film. T'sais, c'est pas tout à fait maîtrisé. Ça va pas au bout de ce que ça pourrait être. Là. Ben, c'est ça. C'est bizarre, hein, pour un film avec une si grande réputation qu'on trouve qui est pas qui manque quelque chose. Je trouve ça particulier. Je trouve que ça fait un petit peu prétentieux. Ben, il y a des belles qualités. Je veux dire, comme dans l'autre film, la direction photo de celui-là, je trouve ça super beau. Les éclairages, le noir et blanc, tout ça, c'est super beau. La musique, le jeu d'acteur, tout est... Techniquement, là, c'est superbe, Répulsion. Mais comme on dit plus tantôt, il y a des petites lacunes. Puis c'est un film d'un gars de début de la vingtaine, je pense. Quel âge qu'il avait à ce moment-là? Il est né en 33, ben il avait 30 ans. Fait que, tu sais, c'est pas qu'il débutait nécessairement dans la vie, mais c'était... Ça reste que c'est un jeune homme, début trentaine, je sais pas c'était quoi sa relation avec les femmes à ce moment-là, mais qui maîtrise peut-être pas tout à fait le sujet, mais qui avait des bonnes idées, là. Ouais, ça, oui. Est-ce qu'on sait pourquoi il a décidé de le faire en noir et blanc, son film? Non, je sais pas, mais moi, à cette époque-là, je me dis que c'était encore une question de budget, peut-être, là. C'est ce que, probablement, que je... La pellicule couleur coûtait plus cher, je pense. Là. C'est le feeling que j'ai parce que j'imaginais pas un argument. T'sais, je voyais pas ce qu'il y avait dans le noir et blanc qu'il n'y aurait pas eu dans la couleur. Si on avait plus exploité la noirceur, peut-être. Mais au contraire, ça manquait de luminosité parfois. quand le propriétaire rentre dans l'appartement, puis il veut ouvrir les rideaux, puis elle capote parce qu'elle dit non, je veux de la noirceur, c'est pas assez noir. On voit pas qu'il se fait noir tant que ça dans l'appartement. C'est vrai, ouais. Y a comme un repas qui traîne sur la table pendant vraiment longtemps. Comme dans l'autre film. Oui, exactement. Puis on a un plan qui revient souvent, mais en couleur, je pense qu'on aurait pu mieux l'exploiter. On aurait pu le rendre un peu plus grisante à chaque fois. Un peu, tu sais, là, ouais. J'ai l'impression que c'est la même assiette qui revient sans modification parce que, justement, on n'avait pas le budget pour mettre de la couleur. Fait que j'ai pas trouvé que le noir et blanc aidait au film, au contraire. Mais c'était peut-être pour... Tu t'as parlé de grisaille, c'est peut-être pour montrer la grisaille aussi de son univers, puis... tu sais pas, le côté... répétitif, le dol de son, de sa vie, là, je sais pas. Elle fait la même marche pour aller travailler, pour revenir du travail, des trucs comme ça, puis... tu sais pas, le côté drabe et dol de son univers, là. Ça se peut que ça soit juste une question de budget aussi, hein? Oui, oui, moi je pense que c'est ça. Tu sais, je veux dire, on cherche, mais si c'est rien que ça, c'est rien que ça. C'est juste que je trouvais qu'au contraire, ce film aurait bénéficié d'un traitement couleur. Peut-être. C'est dur à imaginer quand tu ouais. Tu peux pas le voir, tu le sais pas, là, mais... Mais c'est que j'imagine, mettons, les scènes au salon où toutes les femmes sont hyper colorées, vivantes, ça fait beaucoup, beaucoup de mouvements... Puis elle, après être là, un peu plus terne. Tu sais, comme je te dis, ouais. Il y a quelque chose. Tu sais, des premiers films, hein, des fois. Mais je sais pas. Sinon, je sais plus trop dans quelle direction aller. Ben, c'est ça que je te dis, c'est pour ça qu'on parle des deux films conjointement, sinon on aurait fait 15-15, tu sais, ça avait pas de sens. on disait au début du segment que. Queen of Earth, c'est pas un film d'horreur. Il utilise quand même certains ingrédients du film d'horreur à certains moments, mais pas. C'est vraiment des petites affaires de rien du tout. Là. C'est juste pour venir pimenter la chose. Il y a une scène en particulier, la scène du party, qui utilise un peu le côté ouais. Horreur. Puis ça me rappelle les mains dans Répulsion, les mains qui sortent des murs. Où t'as les gens qui sont au party. Elisabeth Moss, à un moment donné, va comme. Capoter, puis elle va s'imaginer que ces gens-là veulent toutes la toucher, tu sais. Ouais. C'est vraiment l'idée de se faire toucher qui revient dans les deux films. Il y a ça, puis il y a aussi une autre idée qui revient dans les deux films, c'est l'idée du visage. Catherine Deneuve qui touche souvent son visage, qui touche son nez, qui fait des drôles de mouvements. Puis t'as Elisabeth Moss dans Queen of Earth qui dit que son visage lui fait mal, que ses os sous sa peau lui font mal, tu sais. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui revient dans les deux films. Puis moi, je nous lancerais sur une idée. Oui. Il y a une mode, encore une fois, je te dis, là, c'est l'attaque de mes films féministes qui font ça. Il y a une mode de film où on filme très, très près le personnage féminin. Oui. On l'a vu dans Mother, que j'ai écouté cette semaine. J'ai écouté dans les deux dernières semaines, Mother puis Tadoussac, un film québécois que les deux sont tournés... caméra à l'épaule, proche du personnage féminin, hyper, hyper, hyper intrusif. Là, on a Queen of Heart aussi, que c'est pas la personne qui parle qui est dans la caméra souvent. Et, tu sais, je veux dire, c'est des plans portraits, là, du haut des épaules, là, ou même plans très, très serrés, proche du visage. C'est des caméras très intrusives au niveau du visage. Faut que tu sois capable de vraiment contrôler chaque facette de ta face, oui. Parce que c'est une caméra très proche. Comme je te dis, j'ai... comme quatre films dernièrement que j'ai écoutés qui sont tournés de cette façon-là, puis c'était des excellents films, puis c'était très bien fait. Je nie pas, mais c'est dans l'air du temps. On parle des films comme 2015 avec Queen of Heart en montant. Donc, quasiment une vague. J'ai l'air de sa cheerleader personnelle, mais Elisabeth Moss, quand tu l'as dans un film, tu peux faire des gros plans, elle va t'en donner à fond. Ouais. Là, t'sais. Oui, oui, oui. Mais où que je voulais en venir, c'est pour le comparer à Répulsion. Je me suis pas sentie moins proche du personnage, même si on est en plan plus large. Mm-hmm. Fait que j'ai trouvé ça intéressant je trouverais ça aussi intéressant de faire un peu la comparaison dans le sens où là on est dans une mode de film de femme. La femme, c'est la raison 2018, je vous le dis, là, c'est partout là, dans mes trucs entrepreneuriales. Il y a des sujets de ça dans les conférences que je reçois à la capsule. Là, si vous saviez le nombre de conférences qui mettent de l'avant les femmes, peu importe, de toutes les manières possibles, la femme est partout en 2018, il va falloir vous habituer. Mais est-ce que ça a fait en sorte que notre cinéma devient plus intrusif? Que notre cinéma veut aller vraiment là, dans leur face, là, dans leur peau, dans leur cervelle. Là, c'est proche. Puis j'adore ça, je te dis, le Tadoussac, là, j'ai adoré ce film-là. C'était épouvantable, incroyable comment j'ai aimé le film. Puis il est comme ça. T'sais, on suit la fille tout le temps. Puis c'est très rare qu'il y ait une autre personne avec elle dans le plan. Puis quand il y a deux personnes, c'est elle qui est en prédominance. Là, t'sais. Mais je me demande, est-ce que c'est une mode qui est si nécessaire? Parce que je regarde Répulsion et je me suis sentie quand même dans les pieds de l'actrice. Je me suis sentie quand même si c'était elle le sujet du film, même si on n'était pas si collé sur elle. T'sais. C'est une question que j'étais en l'air. Là. Rendu là, c'est des choix artistiques, puis je pense que c'est libre à chacun de les apprécier ou pas. Là. Je veux dire, moi, ça me... J'apprécie les deux films pour les différentes qualités techniques, là, puis les différents choix de réalisation, puis je trouve que dans les deux cas, ça fonctionne. Ça, ils réussissent à faire ce qu'ils veulent faire. Là, puis des fois, ça peut me gosser, les trop gros plans, mais je pense, je fais juste parler des mêmes affaires, mais The Handmaid's Tale, la série, c'est quasiment juste ça, des gros plans, puis ça fonctionne à fond dans cette série-là, là, mais... D'autres fois, ça peut me gosser quand t'as pas nécessairement la matière ou le jeu d'acteur pour soutenir ça, mais dans le cas du film Queen of Earth, on a les actrices qu'il faut pour, tu sais. Les deux actrices sont fascinantes, ont des visages fascinants, puis des expressions, des regards là, qui sont profonds, là, qui sont tellement touchants, émouvants et... expressif, là, que ça et fonctionne à fond. Et haineux quand c'est nécessaire. Oui, oui, haineux, oui, c'est vrai. Mais tu sais, je dis pas que c'est un défaut du film, au contraire, parce que Queen of Hearts, il y a un moment où Jeannie a pleuré et j'ai vraiment un feeling que c'était une larme de personnage et non pas une fausse larme qu'on t'a mis dans les yeux. Oh, oui. Parce que c'est collé sur la peau, c'est super, super subtil. C'est pas une grosse larme. Tu sais, là, la grosse larme épaisse dont on voit rouler sur la joue. Oui. Non, c'était super vrai. Puis si on n'a pas ce traitement de l'image très proche, on l'aurait pas vu. Donc, c'est pas négatif. C'est juste que je me dis, est-ce que c'est une mode qu'on est en train d'emprunter de la caméra très intrusive? Puis est-ce que c'est nécessaire? Parce que j'ai trouvé que Répulsion nous fait vraiment rentrer dans la peau de l'actrice sans que ça soit toujours sur cette échelle de plan-là. C'est juste sur mon point, en fait. Je trouve que Répulsion emprunte des codes de d'autres films de l'époque. Je pourrais pas nécessairement toutes les nommer, mais tu sais... je trouvais que ça ressemblait à des films de cette époque-là, un peu comme un autre film français qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud, qui a une trame sonore jazz, puis que la caméra suit Jeanne Moreau, un peu de la même manière qu'elle suit Catherine Deneuve dans ce film-là. Où, c'est ça, tu sais, t'as beaucoup d'exemples de l'époque qui ressemblent un peu à celui-là. T'sais, ils s'inspirent de ce qui se faisait à ce moment-là. Okay. Ils rentrent dans un mouvement, je trouve. Là, dans... Okay. Donc, ouais, je pense que c'est une question de mode, les deux films. Puis, ouais. Le côté caméra très collée, ça fait... C'est peut-être moi qui écoute trop de TV, mais je trouve que ça fait très télévisuel, parce qu'on a vraiment beaucoup de ça à la télévision. Là. Pas juste dans Handmaid's Tale, mais dans plein d'autres affaires où ce que la caméra te fait des très, très gros plans... Le focus va être fait sur un détail de ce que tu vois à l'écran, puis tout le reste va être flou, des trucs comme ça, tu sais, ils vont jouer beaucoup plus flou, là, fait que... Puis, non, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est juste, tu sais, c'est parce que, comme je te dis, quand je le vois sur un film, je me dis toujours, oh wow, c'est tellement une bonne idée, mais là, comme dans les deux dernières semaines, j'ai comme cumulé cette bonne idée-là, je me dis, crip, on est-tu là, dans ce mode de filmer-là, tu sais? Je pense que oui. Faudrait parler avec du monde comme Steven ou... c'est du monde qui voit beaucoup plus de films que nous autres, là. Ben, que moi, des en tout cas. Des films récents, là, ouais, mais des films récents, là. Ouais, c'est ça. Je peux pas analyser, j'en ai pas vu assez. Mais c'est ça, c'est des films qui nous font poser plein de questions sur toutes sortes d'affaires, tu sais, autant le côté technique que le côté que le récit, puis tout. Il y a tellement de petits détails, types d'observations, de petites affaires à faire dans ces deux films-là sont intéressants pour ça, sont quand même très riches, là. Ben oui, c'est ça. Quand j'ai fini Queen of Heart, je me suis dit, ah, j'ai tout compris. Ouais. Tu sais, manque-tu quelque chose? Fait que j'étais allée voir des vidéos, puis je me suis rendu compte que oui, j'avais tout compris, j'avais tout saisi. Puis j'ai trouvé ça drôle, puis je me suis dit, crime, cette semaine, j'ai écouté Mother, puis tout le monde, ah, je comprends pas, alors que c'est très évident, et que même si tu comprends pas, ton récit est riche. Tu sais, tu comprends pas, à la limite, le plan final. Who cares? C'est un plan final. Le récit est riche. Mais Queen of Hearts, il a fallu que je recule. J'ai remarqué un détail qui m'a fait comprendre la fin. Oui, je me suis posé des questions. Fait que j'étais comme, mais comment qu'on peut? Ben, c'est sûr qu'il y a aussi la proportion de gens qui voient un film, là. Mais j'ai trouvé Mother beaucoup plus clair que Queen of Hearts. Et j'ai trouvé plus d'informations sur Mother que sur Queen of Hearts. C'est sûr que l'un a été plus populaire que l'autre. Je suis pas folle. Mais quand même, je trouvais quand même qu'il laissait beaucoup d'ouverture, hein. Pour savoir ce qui se passe vraiment, vraiment à la fin de Queen of Hearts, le détail est dans un morceau de vêtement. Intéressant. Il faudra que je revoie la fin d'abord. Mais tu sais, je parle pas vraiment du plan final, là. Mm-hmm. Mais vraiment de... Je me demandais juste qu'est-ce qui se passait avec leur relation à la fin. Ouais, moi oui. Mais t'as compris qu'elle était partie. J'étais pas sûr. Bon, mais c'est ça. Dans l'an 1, quand elle part, elle a un chandail... Ginny a un chandail bleu-gris. Et là, elle la prend dans ses bras, puis là, il serre fort, puis il dit « je t'aime, on se revoit l'an prochain, ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Et là, on tombe sur un plan plus large, et elle a son chandail blanc de quand qu'elle console Victoria en haut dans sa chambre. Donc, okay. Quand on la voit regarder le vide, c'est que Ginny est repartie encore une fois. Malgré qu'elle allait vraiment pas bien, elle est partie quand même. C'est ce que j'ai compris par le changement de vêtements. OK. Mais il va falloir que je le revoie, je pense, à un moment donné. C'est le genre de film qui mérite d'être vu. Ouais. Puis Répulsion, c'est ça que je me suis dit, puis c'est vrai, je ne l'en ai pas parlé. J'ai eu l'impression que c'est le genre de film que j'aurais aimé voir avec quelqu'un qui connaît déjà le film, puis qui le connaît bien. Tu sais, j'ai le feeling qu'il y a des moments que j'ai passé à côté des choses. Moi, je suis pas une grande fan de Giallo. Mm-hmm. Et j'ai un de mes amis qui trippe full là-dessus. Fait que quand j'en écoute un, j'aime ça soit l'écouter avec lui online ou... l'écouter, lui en parler après, parce qu'il me pointe des enfants que j'aurais jamais vus ou qui m'ont pas interpellé du tout. Puis j'ai le feeling que Répulsion, j'aurais aimé ça le voir avec quelqu'un qui connaît le film pratiquement par cœur, puis qui peut dire « Hey, t'as-tu vu ça? » Puis « Hey, check ça, ça va revenir plus tard. Ah, t'as peur, là, t'as pas tout vu. » Tu sais, j'ai comme le feeling ça que... Ça deviendrait pas gossant, longue? Ah, mais là, je l'ai vu une fois, là, tu sais, mais tu sais, je te parle d'une réécoute. OK. Mais non, ça vient pas gossant. Puis j'en ai écouté un avec lui, je me souviens plus c'est quoi, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais il m'avait dit « Regarde bien dans le cadre. » Puis là, j'étais comme « J'ai rien vu dans le cadre. C'est pas grave, à la fin, tu vas le voir dans le cadre. » J'aime ça. Tu sais, c'est pas un après-coup, c'est sur le coup. Ça l'alimente beaucoup mon écoute de film. Puis j'aurais aimé ça, voir ce film-là avec quelqu'un qui connaît le film, puis qui me pointe que... Parce que je suis sûre que j'ai manqué plein d'affaires. Sur Répulsion, là, je suis sûr, j'ai manqué plein d'enfants. C'est genre le fait que je trouve touché parce que tu peux être gossant, tu sais, comme. Si c'est toi la personne qui a déjà vu l'œuvre, tu peux être gossant. Comme quand j'ai montré. Ma blonde a décidé d'écouter Westworld l'année passée, puis moi j'avais déjà vu la série trois fois, la première saison trois fois à ce moment-là, tu sais. Puis à chaque épisode, j'étais comme, OK, dans cet épisode-là, là, fais bien attention à telle affaire ou telle affaire, tu sais. J'essaie de pas trop en mettre, mais j'étais comme. « Ah, ça, c'est super bon, cet épisode-là. » Avant qu'on commence, je disais, « Ah, ça, c'est bon, puis il y a telle affaire qu'il faut surveiller, ou telle autre. » Mais en même temps, j'essaie de me fermer la gueule. J'étais comme, « Mais ta gueule, JF, là, t'sais, faut pas... T'sais, faut... Laisse-y découvrir ça comme tous l'ont découvert, tu sais. » Ben oui. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je suis pas quelqu'un, déjà en partant, que le spoiler va déranger son écoute de film, ouais. Ça dépend lesquels, là. Mais il y a bien des films... que tu me fais un spoil, puis ça me dérangera pas, puis au contraire, ça va m'intriguer davantage. Des fois, ça peut être le contraire, ça va me... Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce film-là, j'ai l'impression qu'une écoute active avec... je sais pas, ou pire, une vidéo YouTube qui l'analyse par séquence, puis je le réécoute pour voir ce qu'il a vu, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a moyen d'avoir une expérience enrichie avec Répulsion, je suis convaincue. C'est vrai. Ben, je serais peut-être curieux de le regarder avec le commentaire audio. Sur le Criterion, le DVD, il y a commentaire audio de Polanski et de Catherine Deneuve. Genre ça, c'est ça, exactement. Ouais. Ce serait plus mon genre, un peu. Ouais. Quelque chose de, qui augmenterait mon écoute, là. Mm. C'est vraiment ça, je le file. Mais en même temps, je sais pas si j'ai envie de revoir Répulsion. J'aurais envie un jour de revoir Queen of Earth, mais Répulsion, j'ai l'impression que l'avoir vu une fois, c'est en masse pour moi, là. Pour moi. Ouais. Mais j'ai un peu le même... j'allais dire un peu le même feeling qu'avec le film de Tenant, oui. Je pense que c'est l'appartement en français de Polanski. Ouais. Puis on l'avait couvert dans un épisode d'Horror Gamer là, 2 ou 3 ans. Puis j'avais plus ou moins aimé ça. T'sais, j'avais trouvé ça bon, correct, mais sans plus pour moi. Puis j'ai pas vraiment envie de le revoir. J'ai vu des gros parallèles là, avec celui-là. Puis ils font partie d'une trilogie non officielle. Là, t'sais, c'est Répulsion, ouais, de Tenant, puis Rosemary's Baby. Mais. C'est ça, il y a des gros parallèles entre The Tenant et Répulsion, mais ça reste c'est des films que j'ai trouvé... Je trouvais lent, je trouvais... Puis, dans les lacunes, dans les problèmes que je trouve de Répulsion, c'est que c'est des trucs que j'ai vus dans d'autres films, puis c'est pas de la faute de Répulsion, là. C'est vraiment pas de sa faute, parce qu'il est venu avant tous ces films-là, probablement, que j'ai déjà vus. Mais c'est des affaires que, tu sais, je trouvais ça pas très subtil, les craques dans le mur, tu sais. Puis je vois que sur Wikipédia, tu sais, je vois des critiques, des gens qui ont fait « Ah, c'était vraiment génial ce genre d'imagerie-là ». Oui, peut-être en 65, puis je reconnais, tu sais. Ouais. Mais c'est des trucs que j'ai déjà vu ailleurs qui pourraient être plus subtils que ça, que les grosses craques dans le mur ou les craques dans le sol. Tu fais « Ok, son univers se fissure », tu sais, tu comprends là, que son l'univers autour d'elle est rempli de fissures. Puis je sais pas, tu sais, il y aurait moyen de... Ça reste que le cinéma est un art visuel, mais il y aurait moyen, je pense, de rendre ça plus subtil un peu que ces images-là. Mais en même temps, d'un autre côté, je comprends la force aussi de ces images-là, puis qu'est-ce qui peut être attirant là-dedans. Fait que, je sais pas trop ce serait quoi qui me plairait plus, là, mais je trouvais sur le coup que c'était c'était du déjà vu, mais en même temps, pas pour l'époque. T'sais, c'est du déjà vu pour moi qui ai déjà vu des trucs qui me rappellent ça, t'sais, qui étaient peut-être... redevable à ce film-là, qui était influencé par ce film-là, tu sais, mais qui à l'époque me semblait nouveau, tu sais, puis maintenant je vois lui, c'est comme ouais, ok, j'ai déjà vu ça ailleurs, tu sais. C'est pas de Naked Lunch, justement, qui a genre une craque qui s'ouvre à l'infini? Ah, c'est possible, mais ça fait très longtemps que j'ai vu ça. Oui, tout, mais il me semble, tu sais, qu'il se fissure toujours de plus en plus, là. Ou en tout cas, quelque chose comme ça, mais oui, ça me dit, tu sais, oui, les craques, comme tu dis. Oui. Ben, ça a été répété dans d'autres affaires, c'est sûr. Ouais. Puis c'est peut-être Polanski qui a fait ça en premier, je suis pas sûr, mais... Puis je veux pas juger le film non plus. Je veux pas dire que c'est mauvais à cause de ça. Je vais juste dire que moi, mon appréciation sur le coup, je trouvais que c'était... Ouais. C'est ça. C'est... Indépendante de ça. C'est ça. T'sais, c'est... Ça m'a un petit peu emmerdé, le film. Voyons Siri qui s'ouvre pour rien. Ça m'a un petit peu emmerdé par moment. Je trouvais ça long, t'sais, mais... C'est le style de l'époque aussi, c'est on prend notre temps, tu sais, on a des scènes très très lentes et tout ça. Et pourtant, j'ai dit ça, puis dans Queen of Earth aussi, il y a des scènes très lentes, mais je les trouvais plus intéressantes, tu sais, je les trouvais plus chargées de ouais. D'informations, puis de sens, puis d'émotions, tu sais. Ouais, bon, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Puis encore là, je fais ma cheerleader, mais je pense que j'aime plus Elizabeth Moss que Catherine Deneuve, fait que j'aimais beaucoup plus, puis j'aimais beaucoup l'autre actrice aussi, Catherine Waterston, puis que les deux ensemble, ouais. J'ai trouvé génial, puis Catherine Deneuve, oui, elle est bonne, mais c'était pas assez pour moi pour... Elle est trop propre, Catherine Deneuve. Oui, trop bonne fille, trop, oui. Oui, puis tu sais, quand on disait peut-être un film écrit par un gars, peu importe, là, quand que le propriétaire arrive pis dit t'habites dans une soie cochon, c'est dégueulasse ici, tatata, logiquement, elle ne devrait plus prendre soin de sa personne. Puis elle est encore bien coiffée, oui. Bien maquillée, bien habillée, toute délicate. Et, sans dévoiler trop de spoil, le propriétaire lui fait des avances. Oui. Mais elle habite dans un endroit dégueulasse. Elle est plus dans un état où elle prend sa douche, qu'elle se brosse les dents, que... Ben c'est ça. Fait que, tu sais, oui, je veux dire, il y a plein de raisons propriétaires, puis des fois, on s'en fout de la propreté de la femme. Ses jambes devraient pas être rasées. Hein? Ses jambes devraient pas être rasées. Elle n'a pas les jambes rasées, ni les aisselles, ni rien d'autre. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, mettons, on prend un discours, OK? Oui, le viol, c'est une question de possession et de pouvoir, ce n'est pas une question d'attraction sexuelle. Ouais. Ceci dit, dans cette scène-ci, c'est une question d'attraction sexuelle. C'est une question que le propriétaire la trouve attirante et il veut profiter de son attirance. Ça, et le elle pouvoir est plus... aussi parce qu'il la traite un peu en enfant, là, mais en tout cas. Oui, oui, oui, tout à fait. Ben oui, ben oui. Parce qu'il a cette position-là. Mais reste que si la personne dans l'appartement n'avait pas été de son goût, il n'aurait pas fait d'avance le propriétaire. Je n'ai pas ce feeling-là. Oui, oui, c'est tout à fait. Ben oui, on voit très bien que c'est en voyant ses jambes dénudées que l'idée lui est venue, là, tu sais. Et voilà. Et c'est pour ça que je pense que là-dessus, c'est un détail plus masculin d'avoir gardé son actrice propre. Oui. Ben, c'est clair. Oui, oui, c'est vrai. La réalité, elle était pas propre, cette fille-là, dans la réalité, là. Oui. Non, non, c'est sûr que d'avoir une fille avec les cheveux toutes pêle-mêle, puis c'est ça, du poil partout, puis... C'est ça, puis... Je sais pas quand tu pourrais montrer ça visuellement, mais l'idée qu'elle sent mauvais, tu sais, cette idée-là, ben non, c'est sûr que ça, ben, ça plairait pas à personne. Ce que j'allais dire, moi, personnellement, mais là, par contre, on est en 65, c'est ça. On l'aurait pas fait dans un film de 65, OK? J'en suis parfaitement, parfaitement consciente. Mais pour montrer qu'elle ne prend plus soin d'elle, il pourrait y avoir un peu de sang menstruel sur ses cuisses. C'est vrai, oui. On l'aurait pas fait à cette époque-là, je suis pas folle, là. Mais ce que je dis, c'est que pour montrer que cette fille-là est dans... Tu sais, c'est ça que je veux dire. Cette fille-là n'a plus conscience de rien physique par rapport à elle-même. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle projette non plus. Elle n'a pas juste les cheveux ébouriffés. Tu sais, elle a les cheveux gras et sales. Oui. Elle a les ongles probablement sales. Elle aurait peut-être du sang menstruel séché un petit peu à l'intérieur des cuisses. Les jambes n'auraient pas été faites. Tu sais... Comme tu dis, ça paraît pas au visuel qu'une personne pue, mais il y aurait eu moyen de montrer qu'elle ne prend pas soin d'elle, puis on le fait pas. Mais la première scène, Queen of Hearts, on rentre avec notre actrice qui a du mascara jusqu'à terre. Oui. C'est déjà plus physiquement évident de montrer que présentement, là, elle vient de perdre le contrôle, là, t'sais, elle regarde pas sa face, mais c'est pas le cas du personnage de Catherine Deneuve. On aurait pu la maganer plus que ça. En même temps, son personnage est fier. Son personnage est une personne fière. Puis, comme je dis ça parce qu'on. Tu sais, une des scènes que je disais tantôt, une des scènes de fantasme de viol, elle se maquille juste avant, tu sais. Oui. Elle se met du rouge à lèvres juste avant d'aller au lit, tu sais. En espérant quasiment qu'elle va se faire violer encore dans ses rêves. Mais ça aurait été intéressant. Une trace de rouge à lèvres un peu qui déborde, là. Pas énorme, mais qui déborde un peu de ses lèvres quand le propriétaire est là, pour montrer qu'elle s'est réveillée et qu'elle s'est même pas regardée dans un miroir. Il y a une question d'éducation puis de culture aussi à l'époque. Les femmes s'empêchaient totalement d'avoir l'air. Oui, c'est vrai. Les cheveux ébouriffés ou tout. Il fallait qu'il n'y ait rien qui dépasse, comme la propriétaire du salon de manicure qui dit arrange tes cheveux. T'sais. Ses cheveux sont corrects. À mes yeux, à moi, ses cheveux sont corrects. Moi, j'avais rien vu qui jurait, là, mais elle a dit « Arrange tes cheveux. » Je sais pas. Non, mais Moutou, j'avais pas remarqué que ses cheveux... Mais j'ai compris que c'était un lien avec la scène de viol, là, mais en mettant un point, c'est vrai que même à la maison, les femmes prenaient le temps de plus... Elles étaient esclaves de cette image-là. Exactement, ça c'est vrai. Petit détail, je change de sujet, mais détail qui me... J'étais comme ça, ça n'a aucune incidence sur rien, c'est juste que je trouve ça bizarre que les deux sœurs se parlent en anglais s'ils sont françaises tous les deux. T'sais. Ils ont des accents tous les deux. T'sais. Puis elle dit, à un moment donné, elle dit au propriétaire que la photo était prise à Bruxelles. C'est des françaises, des personnages. T'sais. Ouais. Les gens se posent la question à la fin du film, elle parle-tu vraiment en anglais, elle? Ben, je pense que oui. T'sais. Ils s'appellent tous les deux Ledoux, c'est des noms français. Pourquoi est-ce qu'ils se parlent en anglais quand ils sont juste... les deux ensemble, c'est un détail, là, on s'en fout. Mais... Non, mais c'est vrai. Moi et ma blonde, on se parle en québécois, on se parle comme ça, là, tu sais, chez nous, on vit dans une ville anglophone, tu sais, on est entouré de monde qui parle en anglais, tu sais. Tous nos voisins parlent en anglais, mais les autres, on... Les gens nous disent, votre enfant, vous l'éduquez en français? Ben oui, on y parlera pas en anglais chez nous, tout seul à la maison, là, tu sais. Vous allez y parler en anglais pour qu'il soit capable de parler avec ses camarades à la garderie, puis c'est ça? Éventuellement, mais pour l'instant, on se parle en français, on y parle en français, tu sais. C'est comme ça qu'on parle à la maison. Ce serait bizarre que je parle en anglais avec ma blonde, tu sais, en mangeant le souper ou peu importe, tu sais, on se parle Mais en oui. anglais. C'est ça, aucun rapport. C'est ça. Oh, oui, non, ça, c'est quelque chose que, oui, t'as vraiment pas tort. C'est peut-être qu'il voulait juste pas mettre de sous-titres dans le film, mais je trouvais ça juste. C'est un détail qui me gossait, tu sais. Ouais. Mais ça n'a aucune. C'est pas important. Non, ça n'a aucune incidence, mais c'est quelque chose de très vrai. C'est juste parce qu'il mentionne la nationalité, puis le nom de famille, puis tout ça. Ils sont supposés être françaises. Ouais. Sinon, j'essaie de penser à d'autres choses. Mais non, c'est, j'étais à la fin du film de Queen of Earth, j'étais embêté. J'étais comme, j'aime-tu ça? Ben, j'aime pas ça. Mais j'ai vraiment adoré les performances. Je trouvais les personnages fascinants puis tout. C'est juste que la fin, j'étais comme, ça nous laisse sur une drôle d'impression, sur un moment étrange de l'histoire. Puis j'étais comme, ok, il me semble que j'aurais pris quelques minutes de plus. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais j'ai été chercher la signification un peu du titre. Ah, il y a ça aussi, je l'ai pas trop compris non plus. Mais... C'est ça, ben en fait, Queen of Hearts, c'est les feelings que ces filles-là ont envers elles-mêmes. Tu sais, puis dans le film, moi, c'est parce que je trouve l'insulte « stupid brat » oui. vraiment drôle. Puis les deux sont traités de « stupid brat oui. ». Fait que les deux sont égales dans leur niaiserie. Là, tu parles des deux amis dans Queen of Hearts? Oui. Okay. Les deux amis... pourquoi j'ai mélangé tout le temps? Catherine... appelle Jeannie Stupid Brat. Mm-hmm. Puis Rich appelle Catherine Stupid Brat. J'ai fait, à ce moment-là, les filles, vous êtes équivalentes. Mais elles sont totalement, tout le temps en train de juger l'une l'autre de qui est la plus conne, finalement. Puis c'est le feeling que j'avais un petit peu avec le titre Queen of Hearts. C'est moi le centre de la Terre. Ben, il y a ça, oui. Ben, tu vois, c'est le sens que j'aurais donné au titre parce que. Dans le cas d'Elizabeth Moss dans Queen of Earth, puis dans le cas de Catherine Deneuve dans Répulsion, les deux personnages ont croient que le monde tourne autour d'elles. Puis les deux se le font dire dans le film, dans les deux films. Se font dire exactement ça. Tout n'est pas à propos de toi. T'sais. Ouais. Puis je trouvais ça intéressant. Dans les deux cas, puis j'ai souvent, moi personnellement dans ma vie, j'ai tendance des fois à penser que le monde tourne autour de moi. Ma blonde me l'a souvent dit. T'sais, les gens sont pas tout le temps en train de te regarder. Les gens sont pas tout le temps en train de te juger. T'sais. Puis moi, je suis un petit peu parano des fois par rapport à ça. J'ai l'impression que tout le monde... c'est ça. Tout le monde s'occupe de tout le monde se préoccupe de moi. Puis je suis comme... Puis elle me dit non, c'est pas... Arrête de... Le monde tourne pas autour de toi. Là, fait que je me reconnaissais dans les personnages un peu. Je trouvais leur traitement assez, assez intéressant pour ça. Puis je trouvais que ça représentait bien la réalité de quelqu'un qui peut penser ça. En tout cas, c'est poussé à l'extrême dans les deux films, mais je trouvais que ça fitait bien avec ce que je peux ressentir des fois. Là, même si ça va jamais assez dans ces extrêmes-là. Là. Je me sens pas être le roi de la Terre non plus. Là, mais c'est juste que des fois, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu as l'impression que. Ouais. Là, je prends des cours de conduite, puis j'ai l'impression des fois que la personne qui me suit derrière sait que je suis pas bon conducteur, sait que je suis un apprenti conducteur, puis que, tu sais, j'y mets plein de pensées dans la tête, c'est ça mon problème, moi, je mets plein de pensées dans la tête du monde, puis c'est ce que les personnages dans les films font, c'est ce que Catherine Deneuve fait, c'est ce que Elizabeth Moss fait avec les autres, elle met des pensées dans la tête du monde qui sont pas nécessairement là, puis ça, je le vis dans ma vie, fait que je me reconnaissais dans les deux personnages, c'est plate à dire, mais je me reconnaissais dans les personnages, tu sais. C'est pour ça que j'ai été un peu beaucoup fasciné par ces personnages-là. Oui. Puis moi aussi, je te dirais que Répulsion, je suis pas sûre, je le réécouterais justement par ce manque de communication, d'interaction, de dialogue. Alors que Queen of Hearts m'intéresse encore. Puis je trouve que la relation de ces deux personnages-là féminins est pas totalement transparente. Il y a encore de l'opacité, puis j'ai encore envie d'aller l'explorer. Oh oui, oui. Mais Répulsion, je trouve que tout est dit. De toute façon, avec la fin qu'il y a, ben, tout est dit, tu sais. Non, c'est ça. Non, Queen of Earth est vraiment plus riche, je trouve. Scénaristiquement, puis oh oui. Ouais. Est-ce qu'on y va avec nos recommandations? Est-ce qu'on a terminé? Ben, je pense que oui. Je pense qu'on a... Oui. Ben vas-y. Les deux films, on peut les louer sur YouTube. Personnellement, je pense que les deux valent la location. Les deux valent le paiement de location. Ensuite de ça, c'est de voir, tu sais, t'as un classique qui a duré dans le temps avec Répulsion. T'as Queen of Heart, un petit film indie que pas grand monde connaît. Moi, personnellement, je n'achèterais pas Répulsion. Je pense pas que ça manque à ma bibliothèque. Mais Queen of Heart, c'est un film que j'aimerais acheter éventuellement, de l'avoir puis de le ressortir une fois de temps en temps avec des gens. Tu sais, là, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de féministes où je gravite beaucoup dans ces mondes-là, puis des gens qui me disent ça manque de films où les femmes ne parlent pas que d'hommes, je oui. sortirais ce film-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir vu Queen of Heart, parce que je me dis, crime, ça existe, des films où les femmes ne parlent pas que des hommes, que tu parles d'elles, d'entre elles. Tu sais, puis, oui, il y a un gros... Moton, là, excusez de le dire, mais il y a un gros moton qui se passe au travers du père qui s'est suicidé. Oui. Mais ça pourrait être une mère, ça pourrait être un frère, ça pourrait être une sœur. C'est pas tant important pour... Le genre de la personne qui est décédée, c'est pas tant important, je trouve, personnellement, pour le film. C'est ça que j'ai aimé. Dans le sens où, oui, c'est un homme, c'est son père, mais quand on parle du père qui s'est suicidé, je pense qu'on parle plus de l'acte en lui-même que du genre de la personne qui est morte. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je me pose la question. Je sais pas si c'est pas important ou pas, là, mais... Ben, c'est important dans l'autre sphère. Quand on dit qu'elle travaille pour son père, qu'elle a jamais réussi à s'émanciper de son père, puis que c'est son père qui est le grand artiste, puis qu'elle est dans l'ombre du grand artiste qui est son père, oui, c'est important. Ouais. Oui, là, là-dessus, je suis d'accord. C'est important. C'est une relation qu'elle a avec son père. Mais au niveau du suicide, c'est plusieurs étapes. Et quand elle parle de son père, j'ai l'impression qu'elle parle beaucoup de l'acte, comment ça l'a affecté. Oui. Et non de la personne. C'est ça que je veux dire. Tu sais, ça parle gros de l'acte. Le film commence en disant, est-ce que c'est avant ou après l'accident? Puis son chum, il répond, Chris, c'est pas un accident, un suicide, c'est voulu. Puis ça teinte le film dans le sens où c'est pas un accident ce qui est arrivé à son père, c'est voulu. Puis c'est ça qui est important, c'est le suicide, pas la personne qui s'est suicidée. Je sais pas si c'est flou ou clair. Non, je comprends. OK. Fait que c'est pour ça que ce genre de film-là, c'est des femmes qui parlent entre elles de leur avenir et des impacts de leur quotidien sur leur vie, des impacts des choix des autres sur leur vie, puis des impacts de leurs propres choix sur leur vie. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. La Queen of Hearts, ça serait un achat pour moi que je recommanderais. Alors que Répulsion, ça serait une location. Si les gens disaient, hey, j'aimerais ça explorer des autres genres d'horreur. Mais ça serait pas une recommandation à tout coup. Moi, je dirais que c'est une location dans les deux cas. Parce que, juste à cause du prix, parce que je regarde le prix sur Amazon.ca. Queen of Hearts, c'est 30$ ouais. pour le DVD. Ouais, c'est ça. 31$. Le Blu-ray de Criterion de Répulsion, c'est 42,99. Oh boy! Mais ça reste que c'est un Criterion, puis c'est plein de bonus, je suppose, ouais. avec le commentaire audio et tout ça. Mais allez-y que des locations, je trouve que ça vaut la peine d'être vu tous les deux. Surtout Queen of Earth, comme on dit depuis tantôt, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Mais les deux mis ensemble, ça fait une soirée qui est un peu rough, là, mais ils vont très très bien ensemble. On les a bien oui. choisis, je trouvais qu'ils allaient être vraiment, vraiment très bien ensemble. Incroyable! Le travail incroyable. D'Alex Ross Perry est très redevable à Polanski, là. Je pense qu'il est très influencé par ça. Puis non, ça vaut vraiment la peine, je trouve, les deux films. Ouais. Moi aussi. Est-ce que... On a parlé un peu... on a posé la question à nos auditeurs de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de ces deux films-là. On a eu une réponse. Je vais aller la trouver dans quelques instants. Mais en fait, ce qu'on se posait comme question, c'est... Est-ce que c'est correct d'écouter du Polanski en 2018? Oui. Je pense que c'est toi qui as posé la question quand tu as suggéré Répulsion. Tu demandais est-ce que ça vous tente de regarder un film de Polanski? Ben... La fameuse question entre l'art et son sujet, tu sais, l'art et son auteur, plutôt, excusez-moi. Donc, et je pense qu'on en a bien parlé parce qu'on a parlé du film sans parler de son auteur. Puis ouais. c'est sans l'ignorer non plus. Et moi, je pense que le moyen artistique d'en parler, c'est de ne pas le glorifier. par exemple, j'ai encore envie de voir des films de Woody Allen. Oui. Personnellement, c'est un auteur, un réalisateur que j'apprécie beaucoup l'œuvre. Ses œuvres me font du bien. Midnight in Paris me fait énormément de bien. Donc oui, j'ai encore envie de voir de ses films. Mais j'ai pas envie de le voir président de jury d'Oscar. J'ai pas envie qu'on fasse un retour sur sa carrière puis qu'on lui donne un trophée pour sa carrière. Et je pense qu'elle est là, la nuance. On peut encore voir les films. On peut encore parler des films, mais sans glorifier leur auteur. Et si le film avait été un pur chef-d'œuvre, je pense que j'en aurais mieux parlé peut-être de Polanski, mais j'ai pas été confrontée à ça. Mais pour en revenir maintenant à Woody Allen, je trouve que Midnight in Paris, c'est un film incroyable. Ça vient me chercher. Je le trouve tellement bien fait, mais malheureusement, je ne suis pas d'accord avec son réalisateur. Ouais. Et j'aurais pas envie. Mettons, t'écoutes un film, là, ben on a adoré Queen of Hearts. Tu as glorifié son actrice et je suis surprise d'un auteur masculin qui peut aussi bien comprendre puis qui n'ait pas été dans ces conversations basiques entre deux filles, mais vraiment, qu'est-ce que deux personnes se disent et non pas deux filles? J'ai envie de les glorifier. J'ai envie de les interviewer. Je n'ai pas envie d'interviewer Polanski. Je n'ai pas envie de faire un numéro spécial, une revue sur Polanski. Je n'ai pas envie qu'on fasse un spécial épisode Horror Gamer Polanski. Non. Je n'ai pas envie de le mettre lui de l'avant. Mais je pense qu'on peut encore regarder leur film. Ouais, je pense que dans le... Ouais. C'est ça, regarder son film en opposition avec un autre film qui traite du même sujet, c'est intéressant. Mais faire un spécial sur l'auteur serait moins... Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord un peu avec Woody Allen, mais je suis d'accord un peu, mais tu sais, en même temps, j'ai pas vu vraiment de ses films dans les 10 dernières années, puis dans les 10-15 dernières années, puis je pense qu'inconsciemment, c'était peut-être un peu à cause de toute son histoire, mais je l'ai tellement aimé, Woody Allen, j'ai tellement adoré ses films, puis à chaque fois qu'il en sort un nouveau, j'étais comme, faudrait que je voie tous ces films que j'ai manqués, mais... Je suis comme, je sais pas, il y a tellement d'autres choses aussi en même temps, des fois, à voir, puis... je pense que j'ai pas de problème à regarder des films de ces gens-là. Je vais donner un exemple. Ok, non, si t'avais une idée, c'est bon. Ben, je veux dire, est-ce qu'à l'avenir, je vais avoir envie de regarder des films avec Kevin Spacey, ou des films produits par les Weinstein, je sais pas, tu sais. Je sais pas comment je vais filer par rapport à ça, tu sais. Tu sais, mettons... Weinstein, s'il a encore sa boîte de prod, mais il fait encore de l'argent sur les films. Ouais. Je vais te donner un exemple. C'est dans le dernier film de la saga Harry Potter, Johnny Depp, il est dedans. Il y a des gens qui demandent de boycotter le film parce que Johnny Depp aurait été agressif avec sa femme présentement qui est en procédure de divorce, je pense, en tout cas, avec sa femme. Donc, on dit John Depp, il a été violent avec sa femme, ça a été pris sur vidéo. Ne donnez pas de crédit à ce film, n'allez pas voir ce film, on boycotte le film parce que Johnny Depp est dedans. Moi, je pense, personnellement, que boycotter un film au complet parce qu'un acteur t'es pas d'accord, c'est stupide parce que ça n'aura pas d'impact sur l'acteur. Par contre, circuler une pétition, par exemple, ou mentionner... sur Twitter ou whatever, qu'il est peut-être temps qu'on arrête d'engager Johnny Depp, là, on a quelque chose. Mais boycotter un film pour ça, je trouve ça grave. Et c'est arrivé ici au Québec avec Juste pour rire. Il y en a beaucoup qui ont dit, là, il y a des émissions, il y a des galas, il y a des trucs juste pour rire qui sortiront pas à la télé. Mais les gens qui sont dans ces trucs-là, souvent, c'est les humoristes de la relève, puis c'était leur carte d'entrée. Oui. Je pense à Maud Landry qui a dit « Moi, ça m'a fait chier parce que c'était mon premier gala télévisé, puis il n'a pas été acheté par TVA à cause de la saga Gilbert Rozon. » Mais elle dit « Moi, j'ai payé pour. » Par exemple, même exemple avec Éric Salvaille. Oui. Quand on a retiré la plug de Salvaille, tout le monde qui était sur le show de Salvaille ont perdu leur job. Oui, oui. C'est beaucoup de gens. Je veux dire, on n'aurait pas pu mettre la plaque. Je veux dire, on a changé de show, puis sûrement que ce monde-là a tout été réengagé. Mais boycotter une œuvre au grand complet, ce n'est pas la solution parce que ça fait souffrir beaucoup plus de gens que la personne impliquée, j'en suis convaincue. Si vous voulez vraiment que la personne impliquée cesse de travailler, faites des articles de blog, faites de la pression populaire, montrez votre désagrément, rendez les vidéos YouTube de son agression populaire. I don't care. Faites une vraie pression contre cette personne-là, mais pas contre un film dans lequel il apparaît, comme c'est le cas avec le film d'Harry Potter. Ça, j'ai trouvé que c'était déconnecté. Ouais, ça a du sens, tout ça. Tu sais, comme ils ont voulu mettre Polanski juré ou animateur des Césars en France. Oui. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Là, il y a des pétitions qui passent pour que Bertrand Cantat soit encore capable de faire des shows de musique. Puis on dit que c'est pas la démocratie empêcher ce gars-là de faire se produire sur scène. OK. OK, parfait. Mais on peut-tu le crisser sur une scène qu'il y a juste des gens qui ont acheté des billets? Mettez-le pas sur une scène de télé. Mettez-le pas sur une scène de théâtre. Mettez-le sur une scène où les gens ont acheté des billets. Vous allez voir de vous-même que ce show-là pognera pas. Ouais. Ah, puis... Non, c'est beau. J'allais dire lui, en plus, on sait qu'il est coupable. Dans le cas d'accusation, ben, j'ai envie tout le temps de croire les victimes, mais on n'est jamais vraiment certain dans le cas de Woody Allen ou dans le cas de Polanski ou des trucs comme ça, mais dans le cas de Kanta, on le sait. Ouais, pour comparer, là, ouais. On sait qu'il a tué, puis tu sais... Non, lui, j'ai aucun respect pour lui, là. Puis c'est parce que ce qui arrive, comme ici au Québec, on a voulu engager Bertrand Cantat sur une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Oui. Le petit problème, c'est que moi, j'adore Wajdi Mouawad. Fait que je serais allé voir la pièce, puis j'aurais été pogné pour écouter Bertrand Cantat, puis lui, il aurait eu un putain de salaire parce que je me serais déplacé pour sa pièce. Ça marche pas. Non. Par contre, il veut continuer à chanter, qu'il aille dans des salles, puis qu'il essaye de vendre des billets. Puis ça va mourir de lui-même. Mais là, présentement, ce qui se passe, c'est que Bertrand Cantat utilise des canaux où les gens ne paieront pas nécessairement pour le voir lui, mais voir un spectacle intégral, puis lui est dessus. Puis après ça, on dit que c'est antidémocratique le faire chanter. Woman up! Montrons d'eux-mêmes la situation. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on passe à côté. C'est qu'on glorifie encore... Tu sais, comme tu dis, ces gens-là sont pas accusés. C'est sûr que Roman Polanski s'est sauvé. Oui, ces gens-là sont pas accusés. Mais tu sais, même rendu là, on pourrait dire que Weinstein n'est pas accusé, même ouais, si non, c'est vrai. Beaucoup de preuves contre lui. Mais on devrait pouvoir se doter de mesures plus faciles menant l'accusation. Puis je pense que, et là, la réflexion à faire, puis c'est pas en prenant, pour exemple, ben, en fait, on devrait prendre, pour exemple, un Woody Allen puis un Polanski pour montrer à quel point c'est difficile de se rendre jusqu'en cour de justice. Mais ne pas lui faire une justice populaire parce que vous aidez pas. T'sais, oui, c'est sûr que ce gars-là n'a pas à animer ou à être jury des Césars. Pour moi, c'est d'une évidence claire. La personne en lui-même n'a pas à être glorifiée. Mais je pense que c'est la Cinémathèque de France. En France, qui a voulu faire une revue Polanski. Mais elle l'invitait pas, Polanski. Il était pas là, il recevait pas de prix, il avait pas de félicitations, ni rien. On voulait juste faire une revue, donc faire pendant un mois, mettre ses films. Puis les gens ont crié au scandale. Puis elle a la nuance. Je pense qu'un cinéma a encore le droit de faire jouer les films de Polanski. Puis c'est une cinémathèque. Une cinémathèque, c'est neutre. Son objectif, c'est de passer des crises de films. Ouais. Ça n'a pas à juger l'auteur des films, ça passe des films, c'est ça une cinémathèque. Puis si la cinémathèque ne fait pas de conférences, d'ateliers, whatever else, sur le réalisateur, je vois pas c'est quoi le problème de faire une revue de ses films. C'est si après, là on se dit, hey, on va faire un beau Q&A avec Polanski. 25$ du billet, tout l'argent va dans ses poches. Là, je suis un peu plus mal à l'aise. En effet. Moi, pour moi, elle a la nuance. Ben, sans rentrer dans quelque chose d'aussi élaboré, moi, c'est superficiel un peu, mais ma réflexion, c'est comme si on arrêtait d'écouter de présenter des films comme Rosemary's Baby, on se priverait d'un gros morceau du cinéma d'horreur et ouais. du cinéma en général. Il y a des films comme les films de Woody Allen, si on se privait de toutes ses œuvres à lui, il y a des grandes œuvres là-dedans qui ont marqué le cinéma et qui devraient être vues encore, là, tu sais, je pense. Ben, tout à fait, tout à fait. Comme je te dis, c'est vraiment... C'est parce que quand on dit qu'il faut faire la séparation entre l'œuvre et l'art, c'est qu'on n'est pas encore capable de le faire. Puis c'est là que le malaise, puis c'est là que je comprends les gens qui ça les frustre, parce qu'ils ne voient pas quand c'est fait, dans le sens où ça l'est pratiquement jamais. Ouais. On sépare pas l'œuvre et l'art parce que l'artiste, on en parle pendant qu'on parle de l'œuvre. Mais nous, on vient de parler de Répulsion en parlant à peine de Polanski. Fait que je pense qu'on a fait la démonstration qu'on peut parler d'un œuvre sans parler de l'artiste derrière. Oui. Et mettons qu'on parle d'un film de Xavier Dolan, Chris, il est partout. C'est plus difficile de parler de son œuvre sans parler. Ben, c'est drôle, hein? Hier, j'écoutais un podcast, puis c'était Frédéric Becbédé qui lui dit qu'on ça n'a pas d'importance, puis on devrait continuer, puis tout, puis tout. Puis l'animatrice disait, oui, mais c'est sûr, ton dernier livre, le personnage s'appelle Frédéric Becbédé. Ton œuvre à toi, on ne pourra jamais te la dissocier. Non, c'est ça. Mais certains artistes, on va pouvoir... Mais en même temps, on pourrait dire la même chose de Woody Allen, que dans tous ses films, en tout cas ceux que j'ai vus, tout un personnage à la Woody Allen. Si c'est pas lui qui le jouait, c'était quelqu'un d'autre qui jouait le personnage à la Woody, tu sais. Tout à fait. Mais est-ce que si on met Midnight in Paris ou Annie Hall, on est obligé de dire on fait un Q&A avec les acteurs? Non. Non. Non. Non. Puis c'est ça la différence. Moi, je pense qu'elle est là, la nuance. C'est qu'on peut le faire, mais on n'est pas rendu à le faire. Sur notre page Facebook, j'ai posé la question, j'ai dit « Peut-on encore regarder du Polanski de nos jours sans se sentir automatiquement sale? » On a notre un de mes vieux amis, Stéphane Carpentier, qui est aussi collaborateur sur notre site web, qui écrit des critiques, qui répond « Il dit « J'ai bien aimé Répulsion, mais ce n'est pas son meilleur, selon moi, et le moins bon de la trilogie. Et je n'ai pas vu Queen of Earth. » Pour la question de saleté, il dit « C'est bien dur de répondre à cela. Peut-on séparer l'œuvre de son créateur? » Moi, The Ninth Gate est un des films préférés, sinon mon préféré ever. Alors, c'est une question avec laquelle je suis confronté souvent. Et le fait que sa victime lui a pardonné, est-ce qu'on peut passer à autre chose comme ça aussi? Puis après ça, il liste un grand passage de Wikipédia qui parle de l'histoire de Polanski, de sa histoire juridique et tout ça, qui dit à la fin que la victime lui a pardonné, justement, elle a décidé d'arrêter les poursuites et tout ça. Il dit... Puis Stéphane rajoute, que fait-on avec tout ça? T'sais? Moi, j'avoue que dans... Il dit, moi, j'avoue que dans ce cas, je passerais peut-être à autre chose aussi. C'est dans le cas de ouais. C'est ça. Puis, il y a encore une autre nuance que j'aimerais amener, puis je terminerai là-dessus. Mm-hmm. Il y a les films récents. Tu vas te souvenir du nom du réalisateur, là, le réalisateur des J.P. Scrippers, qui est accusé de pédophilie. Oui, j'ai oublié son nom, mais oui, je sais de qui tu parles. Lui, il a, tu vois, on le glorifie tellement pas qu'on s'y a pis son. Lui, il a été accusé de pédophilie. Puis il y a un de ces films qui va au cinéma, puis le monde se plaint que le film a été censuré, puis que les féministes ont empêché la projection du film au cinéma alors qu'eux voulaient donc voir le film. Ma question est, t'en as-tu vraiment besoin dans ta crise de vie de ce type film-là alors qu'il y a 800 films par jour qui sortent? Dans le sens où on parle de Annie Hall qui a gagné des Oscars, on parle de Répulsion, qui a 40, qui a 50 ans, qui a passé au travers de 50 ans d'histoire de cinéma. On parle de classiques, on parle de films qui ont un vécu. Rosemary's Baby, qui a influencé l'histoire du cinéma. Annie Hall, qui a influencé l'histoire du cinéma. On parle de films qui sont cultes. Puis là, toi, tu vas défendre un film que t'as jamais vu parce que t'as donc le droit de le voir. Je pense que là aussi, il y a une nuance à apporter. Quand je te dis de ne pas célébrer un réalisateur, est là la crise de nuance. Dans le sens où si tu sais que le film est produit par Weinstein, puis que chaque billet vendu, il y a de l'argent qui va dans ses poches, ben ce film-là, là, il n'est pas nécessaire à ta vie. Il n'est pas besoin d'être vu absolument. Puis il est là mon autre point. Le gars de Jeepers Creepers, là, si tu ne l'as pas vu son film, tu vas pouvoir vivre quand même. Oui. Tu passes pas à côté de quoi, c'est pas encore un chef-d'œuvre. Fait que te battre pour le voir, c'est de l'enfantillage. C'est te battre pour dire c'est moi qui ai raison. C'est te battre pour dire c'est moi qui ai le plus gros jouet. Parce que le film n'existe pas encore, dans le sens où il est sur pellicule, il est sur DVD, mais il n'a pas été projeté. Puis ça se peut que le film, ça soit une hostie de merde, là, une daube, puis tu viens de perdre 2 heures au cinéma. Juste pour dire que toi, tu t'en fous que le gars soit pédophile. Il est là, mon autre malaise. C'est que le film n'est pas nécessaire à ta vie, puis le film n'est pas rentré dans l'histoire avec un grand H. Ouais. Fait que c'est pas grave si tu le manques. Ça, c'est un point important. D'un autre côté, pour me faire l'avocat du diable, c'est... tout est une question de goût. T'sais, les goûts en cinéma, c'est subjectif. Puis il y a des gens qui peuvent adorer les films du réalisateur de Jeepers Creepers, qui s'appelle Victor Salva, là, j'ai checké. Oui, oui, oui. Mais il y a des gens qui peuvent peut-être trouver que ces films-là, c'est les meilleurs au monde aussi. Là, le goût sont aussi valides que d'autres. Là, mais... Ah, tout à fait. Moi, j'ai adoré le premier Jeepers Creepers. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais pas voir le 3 m'enlèvera pas un bras et une jambe, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ben, il y a des gens qui peuvent détester Annie Hall aussi. Là, puis... Tout à fait. Tout à fait. Mais la proportion de gens qui ont besoin de voir Annie Hall puis Jeepers Creepers 3, ça parle de lui-même dans les noms des films. Là. Oui, oui. Ça reste que c'est dur à ignorer que c'est des Christy de bons films. Là. C'est des classiques. C'est ça que je veux dire. Te battre pour voir absolument Jeepers Creepers 3, je trouve ça un peu con. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est un peu con. Puis t'as beau dire que le film il a l'air super bon, là. Mais regarde, c'est comme Véronica, le dernier film de Netflix qui était vendu sur Netflix comme le film le plus épeurant. Là, tout le monde est en tabarnak parce que le film n'est pas si épeurant que ça. Ça s'appelle du marketing. Le marketing disait ça. Ça se peut qu'il soit pas si épeurant. C'est la même affaire que Jeepers Creepers 3. Le marketing te fait sentir que t'as d'autres droits de voir ce film-là, mais c'est du marketing. Va dans ta chambre, prends-toi une petite tisane, puis si dans 3 semaines, t'as encore vraiment le goût de voir Jeepers Creepers 3, download-le. Oui. Oh oui. Ben là-dessus, je pense qu'on peut... Ah, j'ai fait le tour, là. Oui, hein? Oui. Ben, gars, on n'a pas choisi de chanson, mais on va en choisir une, puis on met une chanson, puis on va revenir avec la conclusion. Fait que, à tout de suite! Yeah. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Donc, c'était ça pour notre show sur les femmes qui ont des problèmes avec les hommes, des femmes qui font des descentes aux enfers. On a des Patreons qui ont droit à le shout-out. Je suis vraiment poche parce que je me rappelle jamais des noms. Mais là, on va vous skipper pour cet épisode-ci, mais là, puis je m'excuse sincèrement, mais le prochain épisode, je vous ferai un double shout-out, là, parce que je vais demander à Sébastien les noms, je me rappelle jamais. Je suis vraiment très mauvais, je suis pas... Ben, on a un Véro, mais on n'a pas un Dave aussi. Non, c'est pas Dave, c'est... Ah non! C'est Pascal, je pense, mais je suis pas sûr, fait que je veux pas dire n'importe quoi. Mais oui, il y a Véro, il me semble, fait que mais je me disais tant qu'à en oublier un ou deux, je veux pas... Ah ouais, mais c'est ça. Je veux pas avoir de favoris. C'est sûr qu'il y avait un Dave. Ben, peut-être, on demande... Allô Dave! Allô Véro, puis allô Pascal. finalement, c'est un Frédéric, puis non, ça n'a aucun rapport. Mais il y a ça, puis c'est ça. Prochain épisode, il y a des grosses chances que ce soit un shameless, mais c'est pas encore décidé. Ouais, non, on n'a pas déterminé le prochain épisode parce que on va être sûr que les autres partners sont prêts à le faire. Fait qu'on ouais. Attend aussi leurs suggestions, puis eux veulent être sûrs d'être disponibles. Fait que tu sais, il y a comme on marche un peu là, là-dessus. Là. Et si c'est un shameless, ben le principe pour les personnes qui nous ont jamais écouté, qui ont jamais écouté nos épisodes shameless, c'est que l'un de nous quatre, un des participants, propose deux films qu'il a honte, en guillemets, de ne jamais avoir vu, des classiques de l'horreur ou soit des films très, très bien perçus par la communauté de l'horreur, là, puis qu'on n'a jamais vu. Fait que si on y va à tour de rôle, puis chacun fait deux films par épisode. Ouais. En gros, c'est ça. Non, c'est plus on est rendu à quel tour. Fait que... Non, on va décider ça ensemble, puis on va vous tenir au courant sur notre page d'ici deux semaines. Fait que là-dessus, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Vicky, encore d'avoir été avec moi de la partie pour cet épisode-là. Ben là, au GF et Vicky Show, si Vicky n'est pas là, il manque pas mal de monde. Ça va être dole, en esti. Je peux me parler tout seul, mais ça va être dole. Oh là là, ça va être long. Je l'avais essayé pour mon premier épisode du Brassefaire des films, puis c'était long, puis dole. Ouais. Fait que, ben, merci beaucoup à tout le monde, puis là-dessus, gardez ça horreur.